9. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On célébrera le retour d'une de nos filles préférées pour la première fois en 5 mois. Et on fera nos chroniques maison, c'est un fait. Le blog de Tania is gonna entertain. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 10 novembre 2015, 168 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hola, Tania. Hey, bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, en forme aujourd'hui. Ben oui, il fait beau en plus. C'est, t'as-tu remarqué qu'il fait de plus en plus beau tôt? Il fait de plus en plus beau tôt, oui, c'est vrai ça. Avec le changement d'heure, ça c'est ça, exactement, le changement d'heure. Donc, on remercie le changement d'heure parce que je pense que ça joue vraiment sur notre... santé mentale, le matin. C'est vrai, tout à fait. Ça, c'est le bonhomme 7h qui s'occupe de ça, j'imagine? D'après moi, ouais, mais là, Mère Nature aussi, peut-être un peu? Ah, peut-être, oui. Oui, mais ouais. Tu comme 7h30, fait que sûrement que le bonhomme 7h s'occupe du chiffre entre 7h puis... Ah, peut-être. Midi, peut-être. Le chiffre du matin. Mais dernièrement, j'avais entendu dire qu'on allait avoir un été indien. OK. Julie Snyder avec Michel Drucker. Oui, c'est ça, exactement. J'ai pareil. Hâte, là, j'ai hâte. Mais j'ai entendu dire que les températures allaient se réchauffer de plus en plus. Mais ce matin, j'ai quand même dû dégivrer mon auto. Alors, de ce côté-là, Mère Nature, s'il vous plaît, faites attention. Hein. Exact. C'est pas le fun. Il y a de la buée dans les fenêtres ce matin, c'est ça. Avec de la petite givre. Et voilà. Le plan d'émission d'aujourd'hui, Tania, ça va être particulier. Ben ouais. Parce que juste parce que je sais ce qui s'en vient tantôt, j'ai comme l'impression que j'ai pas envie de t'appeler Tania, j'ai envie de t'appeler par un autre nom. T'as toujours envie de m'appeler par un autre nom, en fait, depuis qu'on a commencé à animer ensemble. Ben c'est vrai, et en plus, j'ai animé hier à la Luître avec Nadia, que j'avais envie d'appeler Tania. Tania, j'ai envie de t'appeler Steph. Pourquoi Steph? On verra à 9h tantôt. OK. C'est un petit agace. Eh ouais, hein? Comme la personne qu'on recevra à 9h. Non, c'est une blague. C'est tellement méchant. On a aussi la chronique Tania is gonna entertain you. Oui. Qu'est-ce que tu sens? Bien, on en a parlé plusieurs fois. Je sais pas exactement si on en a parlé plus à l'extérieur des ondes, juste entre toi et moi. C'est mêlant. Oui, c'est mêlant parce que le nombre de conversations qu'on a à préparer nos émissions ensemble... Disons que la vie en ondes est juste une extension de notre vie en ondes. C'est ça, exactement. Parce qu'on n'est pas du genre à écrire nos textes à l'avance. C'est vrai. Ouais. Alors, ce matin, en fait, je vais vous parler de l'amour, mais de façon scientifique. Oh! Oh! C'est le contrat de ta chronique sur Tinder. Ça va quasiment en continuation avec ça. Ah, en d'accord. Continuité. Ça a commencé par là. C'est bien... Non, je sais pas, je fais que lance des suppositions. Ben, ma première chronique que j'avais faite sur l'amour, oui, c'était sur Tinder. On m'avait mis au défi de parler de ça. Ouais. Fait que là, on continue avec ce que je disais, que justement, il y avait eu quelques études sur le fait qu'en fait, tomber en amour, ça peut être scientifique. Aha! Aha! On va faire ça tout à l'heure. On a aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, c'est un fait qu'on va... utiliser pour commencer l'émission dans quelques instants. Mm-hmm. Mais avant ça, on va être très, très calme pour débuter, même si on débute avec tout l'entrain du monde pour essayer de vous mettre de bonne humeur en nous mettant nous-mêmes de bonne humeur. On s'écoute Rosie Vallant. Voici Quebec City. À Assemblage Reiki. Dis-le sais pas si c'est la dopamine dans ton cerveau, Tania, mais t'as réussi à choisir une pièce qui dit que tu nous réveilles avec le soleil. Ben oui, as-tu vu à quel point j'étais d'entrée ce matin, vu la température? Préciente, omnipotente et omnisciente, et c'est quoi les mots pour ça? J'ai lu les paroles de la chanson. Si on s'insultait en ondes et que c'était notre principe de vie de se blaster en ondes, je dirais que t'es omnisciente. Oh my God! Mais hey, c'est pas le cas parce qu'on s'aime bien. C'est ça. La plupart du temps. La plupart du temps. Non, attends, ça va bien. Quand on se lance pas des petits couteaux. C'est ça. Dans le dos. Donc, hey, oui. C'est le moment d'apprendre des choses. Ah, pourquoi? C'est-tu un fait? Ben, c'est ça, tu l'as trouvé. Ouais? C'est du premier coup, t'es comme omni... Forte. Ouais, omni forte, c'est ça. C'est un fait. Omni forte. Ça rime même pas. Je sais. T'as même pas essayé. Mais je suis désolée. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véritables et vérifiables selon Internet. Bien sûr, les sources sont sur assemblagerequis.com. On commence avec la monnaie américaine. Mmh. Les bonnes vieilles cents noires américaines. Le slogan sur la première scène, la première pièce de la monnaie américaine était « Mind your business ». OK. Occupe-toi de tes affaires et non pas... Et en Dieu, nous croyons, et autre truc comme ça. Donc, la Fujio Cent, c'est la première scène officielle des États-Unis. Un design de Benjamin Franklin lui-même. Donc, de rares exemples en excellentes conditions sont toujours cherchés de nos jours par les collectionneurs. Ça existe, mais c'est super cher. Ah, bon. Eh ben, il y a ce qu'on appelle dans la vie des bionic pants, des pantalons bioniques. C'est comme dans l'homme bionique, là. Ouais. Bref, des pantalons bioniques qui vous donnent la possibilité de vous asseoir un peu n'importe où. Ça a été inventé par Keith Gunura pour donner aux travailleurs sur une ligne d'assemblage, d'assemblée et d'usine, si on veut, l'option de s'asseoir au travail. C'est robotisé. C'est spécial. Est-ce que c'est robotisé, en fait? Je regarde ça, puis je pense mais que c'est je pense pas que ça soit robotisé. Je pense juste que c'est comme un système qui fait en sorte que ça fait une chaise. C'est ça, un soutien, si on un veut. Un soutien, ouais. On voit les gens pouvoir se mettre en position de chaise comme on fait contre le mur, là, t'sais, sans la chaise en dessous de toi. Honnêtement, ils ont pas l'air super intelligents. Non, ben, je comprends pas pourquoi ils portent des lunettes de soleil, les trois modèles. Non plus. J'imagine que c'est pour se donner un look d'homme bionique. Peut-être. Ils ressemblent tous à Terminator, en fait. Exactement. Mais j'aimerais bien avoir cette chaise bionique, pantalon bionique. Ce serait sûrement plus confortable que les chaises du studio. C'est sûr, mais tu t'en vas pas au centre d'achat avec ça. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment pour te donner une petite pause à ton fessier. T'as des comme grosses trappes sur les jambes pour que ça puisse tenir ce qui va faire comme une patte de chaise. Là. C'est vraiment laid, en fait, faut l'avouer. C'est une strap-on chaise, si on y pense. C'est une strap-on chaise. Il y a une chute d'eau qui se dirige à un endroit que personne ne sait yousse. Ah ouais? Nobody knows where it's going. Donc, c'est le Devil's Kettle Falls. Au Minnesota. Pas Devil's Skittles, Tania. Ah. Non, non, non. Devil's Kettle comme la bouilloire. OK. Du diable. Ben oui. Oui. Donc, la chute de la bouilloire du diable au Minnesota. Ça, cette chute-là, ça se dompe dans une espèce de trou qui n'a aucune sortie qu'on peut voir. Les chercheurs ont essayé de verser de la teinture ou du colorant, des balles de ping-pong, même des bûches dans la chute. Ils ont surveillé le lac pour voir s'il y avait un signe après le trou, passer le trou pour voir où sortaient ces balles de ping-pong-là, ils n'ont jamais trouvé. Huh. Ils n'ont absolument jamais trouvé encore aujourd'hui. Ce qui est particulier, parce qu'à un moment donné, au nombre de balles de ping-pong et de bûches qu'ils devaient envoyer dedans, ça doit finir par faire un bouchon. Ben, ça doit. Puis éventuellement, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un bouchon? L'eau ne pourra plus entrer dans le trou. Ça va faire un débordement. Ça va pas bien. Ça sera pas une bonne nouvelle. Ensuite, il existe un sport qui s'appelle le goalball. OK. Ça, on connaît le handball, le kinball, le softball, le netball. Il y en a plein. Mais le goalball, le ballon but, si on veut, c'est un sport joué par les aveugles. Ah, ouais. Oui. Donc, le goalball est un sport d'équipe. C'est fait spécialement pour les athlètes aveugles, originellement inventé en 1946 par l'Autrichien Hans Lorenzen et l'Allemand Sepp Heindl. C'est une façon d'aider à la réhabilitation des personnes handicapées visuellement après la Deuxième Guerre mondiale, donc les vétérans. Les participants compétitionnent en équipe de trois. On essaie de lancer la balle, le ballon, avec des clochettes à l'intérieur du ballon, dans le but, évidemment, de ton opposant. Les équipes vont s'alterner pour lancer ou rouler le ballon d'un côté de l'aire de jeu jusqu'à l'autre côté. Et les joueurs vont rester dans leur aire de jeu de leur propre but en mode défensif et à l'attaque en même temps. Les joueurs doivent utiliser le son de la clochette pour juger la position et le mouvement du ballon. C'est vraiment très cool. Ben oui, en effet. On lance le ballon à environ 60 000 à l'heure en dessous de son bras. Donc, c'est lancé par en dessous. Il y a quatre juges de but et deux arbitres, donc six personnes du staff, si on veut, qui sont sur les côtés du jeu. Le but mesure 1,3 mètre de haut et fait la largeur du terrain au complet. OK. Et c'est ça, le but est d'envoyer le ballon à haute vitesse dans le but de l'opposant. Et l'opposition va essayer de bloquer le ballon avec leur corps au complet. Et tout le monde porte un bandeau de sommeil, si on veut, tu sais, un genre de bandeau de... cache les yeux, parce qu'il y en a qui ont une visibilité réduite et donc qui sont complètement aveugles. Donc, pour pouvoir donner le même terrain d'égalité à tout le monde, on met des bandeaux. Ben, c'est intelligent. C'est vraiment très, très cool. Et les clochettes à l'intérieur du ballon donnent une orientation acoustique. Voilà. Une chance que l'arbitre n'a pas les lunettes, lui aussi. Hein? C'est sûr. Excusez. Ça serait un drôle de sport. Ça, c'est une petite vidéo sur l'article. Oui, oui. C'est juste, on voit l'arbitre puis ça me fait penser. Wow. Je suis désolée, je suis fatiguée ces temps-ci. Tu devrais être visionnaire des sports. C'est ça. Tout le monde bandé, on compte pas les points. les gens du public peuvent jouer aussi. Ben oui. Aucun problème avec ça. Aucune règle. Mais sérieusement, s'ils font un changement de joueur, c'est comme ils peuvent. En tout cas. Non, raconte ce que tu veux dire juste pour qu'on puisse rire de toi un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu sais, à part l'arbitre, y a-tu vraiment quelqu'un qui voit le jeu, tu sais, les joueurs voient pas les changements. Non. Fait qu'ils peuvent faire rentrer quelqu'un d'autre sans le savoir. Non, les arbitres et les juges, franchement. Ben oui, mais ok, bon. Tania. Avoue que ça aurait été drôle. Oui, que n'importe qui puisse se faire remplacer par des non-aveugles, les non-malvoyants. C'est des idées comme ça, des fois que j'ai. C'est drôle que tu réfléchisses comme ça parce que le prochain fait est directement lié à toi. Non, non, j'aime pas ça. C'est la paralyse de l'analyse. OK. Une excellente chanson d'un groupe de rap aussi, ouais, j'imagine. Paralyse, analyse, paralyse, analyse. Donc, c'est la quand scène de colocation. Oui, c'est ça. Paralyse, analyse, puis une joke sur la souveraineté. Donc, c'est quand quelqu'un analyse ou surpense à une décision potentielle jusqu'au point où ils sont pas capables de se rendre à leur décision. Et ça, c'est totalement moi. C'est moi aussi. Oh, top là! J'ai-tu le droit de dire ça en ondes? Je sais pas si j'ai vraiment le droit, peut-être que ma... Souffle-moi là à l'oreille, ma crédibilité va passer, mais on peut aussi traduire cette fameuse paralyse d'analyse par chier dans la pelle. Oui! Tu sais, quand tu dis... Oh. It's shovel-shitting. Shovel-shitting. Hey, c'est quasiment aussi une allitération en anglais, shovel-shitting, comparé à analyse de la paralyse. Paralyse d'analyse, shovel-shitting. Deux allitérations. Je dois pas être la seule qui fait ça, là. Tu sais, si y a... une analyse vraiment qui a été faite pour savoir qu'est-ce qu'était la paralyse d'analyse. Je dois pas être la seule fille au monde qui se dit « je pense trop ». Fait que j'arrête ça. C'est ça. J'abandonne. Je renverse la table à l'envers. Je fous. C'est ça. Je flippe la table. Pareil comme monsieur... c'est quoi Yves Boivin? Donc, l'idée de base... Moi, j'aime pas le jeu, je joue plus. Donc, dans une des fables d'Ésope. Ésope? Ésope. Ésope. What's up? What up? My bitches! Donc, les fables d'Ésope, The Fox and the Cat. Donc, le renard parlait de certaines façons de s'échapper, alors que le chat n'en avait qu'une seule. Lorsqu'ils entendaient le son des méchants approcher, le son des renards, le chat quittait et montait dans un arbre, alors que le renard était pris dans sa confusion avec le reste des renards. Donc, la fable se termine avec la morale. Better one safe way than 100 on which you cannot reckon. Donc, il vaut mieux avoir juste une façon sécuritaire de s'en sortir que d'en avoir une centaine de façons que tu n'arrives pas à comprendre dans ta tête. C'est si vrai. On veut. Ça, c'est une traduction à la va-vite. Il y a sûrement une plus belle traduction de cette fable d'Ésope. Probablement. Merci. Donc, une compagnie, une start-up, comme on appelle, donc une start-up en biotechnologie, a réussi à imprimer des cornes de rhinocéros en 3D, génétiquement similaires à celles d'un vrai rhinocéros. La compagnie prévoit remplir le marché chinois et vietnamien de ces cornes imprimées en 3D et génétiquement similaires, là où la demande est très élevée pour faire descendre les prix. Okay. Tu savais que les cornes de rhinocéros, ça valait plus que de l'or? Ah ouais? Plus que de l'or, oui. Donc, on l'utilise pour des raisons médicales. On les utilise. Ça peut se vendre pour jusqu'à 5 000 $ et une corne complètement intacte peut valoir jusqu'à 100 000 $. Donc c'est normal que ces animaux-là soient éliminés jusqu'à presque l'extinction. C'est une firme basée à San Francisco, Pambient, qui veut prendre son expertise et l'amener à bon escient. Ils veulent utiliser ça pour le bien de la cause en biotechnologie pour empêcher les meurtres de rhinocéros. Ah, ben mon Dieu! Les ingénieurs ont donc trouvé une façon d'utiliser la poudre de kératine et l'ADN de rhinocéros, mettre ça dans une substance qui est génétiquement similaire aux cornes de rhinocéros blanc. Pas blanc, juste rhinocéros, c'est ça, naturel. Voilà, c'est tout pour ça. Ensuite, il y a un cimetière qui s'appelle le Mary Cemetery. Drôle de prénom d'ailleurs. Mm-hmm. Mary Cemetery. Mary Cemetery dans un village de Sapanta en Roumanie, qui est célèbre pour ses pierres tombales honnêtes et très colorées, très brillantes. Il y a plus de 600 croix de bois dans le cimetière qui racontent de vraies histoires, finalement, et même les détails les plus salés de la vie de la personne décédée. Contrairement à nos pierres tombales qui sont souvent très, très sombres, très, très déprimantes, avec un nom, une date de naissance, une date de mort et un repose en paix ou un rest in peace. Oui. Pour ceux qui n'ont pas compris le jeu de mots de Palmer Rest in Peace dans les Palmer Rest in Peace, ça vient de Rest in Peace. Et je ne veux pas rire de vous, mais... Félicitations. Bref, dans le Mary Cemetery, on peut s'attendre à voir des jeux de mots, des petits poèmes, des histoires au sujet des personnes qui sont décédées dans le village de Sapanta. Mais c'est bien. Sapanta, la sorcière dans ma sorcière bien-aimée. Oui, oui, oui. Sapanta! Sapanta! Ensuite, le pain tranché a seulement été inventé en 1928 et on faisait référence au pain tranché. Tu sais, tu connais l'expression « la meilleure chose depuis le pain tranché » Non. En anglais, il y a une expression qui dit « c'est la meilleure chose qui a été inventée depuis le pain tranché ». Oui, bon. Ça, je l'ai déjà entendu en anglais. En anglais, mais pas en français. Ouais, c'est ça, je dois t'avouer que c'est non pas en français. Ben, en fait, avant la phrase, c'était la meilleure chose depuis le pain en sac. Avant 1928, avant qu'on invente le pain tranché. Donc, on voit une publicité dans un journal qui dit, et je cite, « Nous vous annonçons la plus grande avancée dans le domaine de la... » C'est quoi? C'est la boulangerie, ouais. Depuis que le pain a été mis en sac. Un pain vendu d'une meilleure façon. Sliced, clean, made bread. Wow. Pain tranché. En 1928. Ils faisaient quoi avant, s'ils étaient pas en sac? Ils devaient le couper à la main avec un couteau. Ah, ben oui, évidemment, ils faisaient leur propre pain de toute façon. Oui, aussi. Mais quand il y avait du pain en sac, évidemment, là, on pouvait le trancher. Si on même à la maison, mm-hmm. faire l'épaisseur de tranche que tu voulais, t'avais pas à choisir entre un pain tranché épais et un pain tranché pas épais. Ah, c'est mince. Ça, ménage ou normal? Mais ménage, clairement. C'est même pas la question. Allô? Savais-tu qu'il existe, on reste en alimentation, des bananes roses? Ah, ouais. Oui, après les Cadillac roses. Ouais, hein? C'est ça. C'est des bananes roses et non, ce n'est pas pour le cancer du sein. Elles se pèlent elles-mêmes. Oui, oui. Hein? Donc, lorsqu'elles sont mûres, elles se pèlent elles-mêmes. On les fait pousser de façon ornementale, donc comme décoration, mais ben oui. Son intérieur est mou et sucré et on peut le manger. Ah, oh. Les graines, comment on appelle ça, les noyaux. Les pépins. Les pépins, sont très solides, très durs et peuvent même te craquer une dent. Ah, oh, wow, c'est... Ouais, c'est ça. Tu manger une banane de même? Qu'est-ce que je t'ai fait, tabarnou? C'est ça. Donc, on appelle ça la Musa velutina, aussi connue sous le nom de Pink Velvet Banana, donc une banane rose velours. Il faut aller voir des photos sur assemblagerequis.com. Ça fait vraiment une belle fleur, en fait. Oui, c'est très joli. Très joli. Le jeu Twister. Oui. Torsade en français, non pas. Tornade. Donc, Twister a presque été tué lors de son enfance lorsque le catalogue Sears a rejeté le jeu Twister parce que c'était trop sexy. Oh. Mais alors que les fabricants passaient proches d'abandonner, le jeu a été sauvé par l'animateur de télé Johnny Carson qui a joué à Twister avec Eva Gabor au Tonight Show, le talk show de fin de soirée de NBC. Et les ventes ont monté dans les millions. Et on a une photo de Johnny Carson et Eva Gabor qui jouent en noir et blanc. Sur Assemblage Rocky Program. Mais j'avoue qu'au départ, un jeu de Twister, c'est sexy. C'est sûr, oui. Mais tu sais, en tant que tel, c'est très, très... c'est un peu innocent comme jeu. Et tu le rends sexy si tu tombes par hasard sur quelque chose qui te fait faire un mouvement. Parce qu'en tant que tel, c'est un jeu familial. Ah, mais t'es pas supposé être gêné de mettre ta main en dessous. Ton oncle, toi? Fait que ton oncle, c'est un jeu de famille proche, maintenant. C'est ça, tu sais. Dépendant de ton niveau de proximité. Pixar a passé 3 ans à étudier la physique des cheveux bouclés. Tu sais comment c'est cute, des cheveux bouclés? Ben ouais. Donc, pour réussir à correctement rendre en 3D les cheveux de Mérida dans le film Brave. En français, je crois que c'est Courage, quelque chose comme ça. Ouais, ça, c'est la petite rousse, là, qui pitch des flèches. Des flèches. Elle fait de... J'ai pas vu le film, je dois avouer. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui ont parlé du film, évidemment, parce que c'était un film qui était bon pour l'image des petites filles. Oui, tout à fait. Mais c'est impressionnant pour le graphisme 3D. On peut voir comment ils ont dessiné chacun des cheveux et qu'ils ont fait réagir au vent et à l'air et au mouvement sur assemblagehockey.com. Il y a un petit gif animé de Mérida en train de se bouger les cheveux et puis l'animation en 3D en dessous. Une population qui s'appelle les Yappies, Y-A-P-E-S, utilise de grosses pièces de monnaie qui sont en fait en pierre. Ça peut peser jusqu'à 8800 livres et à la place de les déménager, de les bouger, on va habituellement juste écrire pour savoir qui est le propriétaire de cette pierre-là. Lorsqu'une pierre est perdue à la mer, les gens continuent à échanger ces roches-là, même si on ne les a jamais retrouvées, parce qu'ils étaient tous d'accord dans leur tribu, leur peuple, qu'elle appartenait à John. Wow. À Sam. Donc la pierre était à ton nom, même si on la perdait. Je sais pas comment on fait pour perdre une pierre de 8800 livres. Moi non plus, Si ça peut se rendre jusque-là, ça peut être beaucoup plus petit, beaucoup plus... Okay. C'est son maximum. Et on voit des gens en photo la transporter sur leur doigt avec une grosse barre. L'idée à l'origine derrière les cheveux de Marge Simpson était pour cacher les oreilles de lapin. Tu sais que Matt Groening travaillait sur Life in Hell, je crois que c'est la bande dessinée avec des lapins avant de travailler sur les Simpsons. Donc Marge Simpson devait avoir des oreilles de lapin. Le gag était supposé être révélé dans le dernier épisode de la série. Mais ça a été complètement gâché parce que tout le monde a fait des blagues sur les cheveux dans l'émission. On l'a vu mettre plein d'affaires dans ses cheveux, puis perdre des cheveux, puis clairement elle n'avait pas d'oreilles de lapin. Donc ça a gâché le gag. Mais il y a une image de ses oreilles dans le jeu The Simpsons Arcade Game. Eux, ils ont utilisé cette idée-là. Et quand Marge pogne un choc électrique, on les voit. On voit ses oreilles de lapin. C'est une très bonne idée, mais c'est une inconsistance par rapport à la série télé. Je sais pas si ça se dit en français, mais on va dire. Surtout qu'elle a deux oreilles sur le côté pareil. Oui, c'est ça, elle a donc quatre oreilles. C'est une freak! la voix de Chewbacca. Mm-hmm. Tania a été créée en faisant un mélange. Tu t'imagines la voix de Chewbacca? Là? Oui, le... C'est très similaire à Marge Simpson quand on y pense. C'est vrai. Tu sais, il y a un lien entre les deux. Bref, la voix de Chewbacca a été créée en mélangeant des sons d'animaux. Donc, un ours. OK. Un lion. Seal, c'est quoi? C'est un fuck? Oui, il me semble, oui. Un badger, celui-là, je suis moins certain. Et un morse. Oui, un morse qui se plaint. Voilà. C'est ça. En plus, ça dit que c'est un morse qui se plaint parce qu'il était pas content d'être pogné au fond d'une piscine pendant qu'on faisait le drainage de la piscine pour un nettoyage. Ils l'ont tapé de même. Ah, donc, le gars est allé à Marineland. On sait que tout le monde aime le Marineland. À Long Beach, en Californie, pour enregistrer un morse pour un effet de Wookiee possible. La piscine avait été drainée pour être nettoyée et le morse était là, au prix au fond, en train de se plaindre et c'est devenu un des sons, finalement, de Chewbacca. Ça doit être le fameux son quand Chewbacca est pas heureux. Probablement. Je sais que j'ai un extrait, mais j'ai pas écouté le début. J'ai pas pris au complet l'extrait. Fait. Ça, c'est comment imiter un... Ça, c'est pas bon. On va écouter dans l'entrevue, peut-être qu'il l'a. Je veux entendre le son de Chewbacca! Ok, attention. Ah oui, tiens, on l'a ici. All right, don't lose your temper. I'll come right back and give you a hand. C'est vrai que... si t'écoutes ça, vraiment attentivement, tu réalises que c'est des vrais animaux. Oui, c'est ça. C'est ça vrai. Ça sonne vrai, ça. Le gouvernement américain a demandé à des équipes d'artistes et de scientifiques de trouver une façon d'avertir les humains de 10 000 ans dans le futur qu'il y avait des déchets radioactifs à certains endroits. Okay, donc, dans 10 000 ans, on voulait avertir les artistes et les scientifiques qu'il y avait des déchets radioactifs sous la Terre. Donc, une suggestion était d'élever des chats dont la fourrure changerait de couleur lorsqu'exposée à de la radiation et ensuite immortaliser ces chats-là en chansons et en légendes. T'es un petit chat qui change de couleur. C'est genre un Normand Lamour, d'amour ou l'amour. Lequel est l'acteur, lequel est le chanteur? D'amour, c'est l'artiste comédien. Qui est décédé récemment? Non, c'est l'amour. Ah oui, c'est l'amour. L'amour. Il me semble bien. Il me semble aussi. Il devrait y avoir une France d'amour et une France l'amour aussi pour aller avec Normand d'amour et Normand l'amour. Ça serait... Je serais peut-être moins mêlé. Ouais. Ensuite, l'odeur métallique des pièces de monnaie, c'est en fait les huiles corporelles de ton corps qui se défont à la présence du fer ou du cuivre. Hein? Ouais. Est-ce que tu pourrais répéter parce que j'ai vraiment eu comme un... Parce que t'écoutes pas à moins que tu sois vraiment intéressé. Non, un haut le cœur à savoir ce que c'était. Donc, l'odeur métallique des pièces de monnaie. Ouais. C'est en fait tes huiles corporelles qui se défont en la présence de fer ou de cuivre. Donc, quand tu touches à une poignée de porte, encore Normand Lamour, Ou un morceau de peut-être de la vaisselle, mm-hmm. de la coutellerie fine. Ta main va donner une odeur métallique. Mais Dietmar Glindemann de l'université de Leipzig en Allemagne et ses collègues de travail disent que tu ne sens pas le métal du tout en fait. Ils ont découvert que l'odeur vient en fait de quelque chose de chimique dans ta peau qui est transformé aussitôt que tu touches à du fer. Ils ont rapporté leurs résultats dans l'édition internationale de Angewaldschmier. Le cuivre a aussi un effet similaire, donc un peu le même genre d'odeur. C'est à peu près tous les détails qu'on a à savoir. Hein? Oh, c'est l'illusion ouais. sensorielle que le métal lui-même sent après que tu y aies touché, mais en fait, c'est ta peau. Et c'est l'odeur métallique est seulement par association. Hmm. Ça me rappelle, c'est intéressant à savoir. Oui, quand tu goûtes ton sang, quand tu te mords la joue, comme je me fais tatouer mot du jour. Ouais. Ça goûte un peu le métal, un peu le fer. Le fer, oui. Ouais. Mais ça, c'est-tu vraiment le fer? Oh, oh. Là, c'est une autre question. Ça me rappelle ça. Ensuite, si tu vois quelqu'un qui demande de l'argent à un sans-abri ou, tu sais, juste un mendiant qui te demande de l'argent à Albuquerque ou au Nouveau-Mexique, tu peux en fait appeler le 311. Le 311. Okay. Et une van va arriver. Il va leur offrir un emploi pendant une journée en ramassant des déchets, tu sais, des trucs comme ça, pour 9$ l'heure. On appelle ça de la beautification en anglais. Donc, c'est vraiment le 311. Il y a des camions avec le numéro de téléphone dessus. Et Help and Panhandling, donc aider à arrêter les mendiants. Il y a une meilleure façon. Et donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez donner de l'argent aussi en appelant au 311. Ah, ouais. Mais c'est seulement à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Hmm. Il y a une chanson des années 1800 qui est absolument rien d'autre que deux personnes qui se miaulent l'un à l'autre. Ça s'appelle Duetto Buffo di Dugatti, qui veut dire duo humoristique pour deux chats. Wow! Ça a l'air bon, hein? Hey! T'as envie de l'entendre, hein? Ah ouais, vraiment. Ben voilà, on se quitte là-dessus. Les notes sur assemblagerequis.com. Me. t'as vraiment fait écouter ça au complet. Hein? How could I not? Oh my god! Comment puis-je ne pas le faire? Duetto Buffo di Dugatti, le duo humoristique pour deux chats. Mais non, mais y a-tu vraiment du monde qui écoute ça à longueur de journée? Ah, je sais pas, mais hey, est-ce que t'as entendu parler? Parlons-en un peu. J'avais pas prévu en faire trop long là-dessus, mais je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu connais le duo de rap Run the Jewels? Ça me dit quoi? C'est Mike et Jamie Moline, les activistes sociaux du duo de rap Run the Jewels, qui viennent de sortir leur plus récent album acclamé par la critique, Run the Jewels 2. Il y a presque un an, en fait, qu'ils l'ont sorti. C'est quand même pas si récent que ça. C'est gratuit et les gens pouvaient acheter des versions de luxe. Par exemple, pour 50 000 $, ils allaient devenir employés d'une agence de détectives privée pour travailler ensemble pour révéler des mystères locaux et aussi surtout fumer du weed dans ta van. Et bon, évidemment. Pour 100 000 $, t'avais le Fuckboy Revenge Package. Donc le duo allait s'envoler vers votre ville, espionner et à la fin prendre votre revanche sur quelqu'un dans votre vie qui vous a causé du tort. Hein? Et ils ont même promis les deux d'entraîner l'animal de compagnie de votre ennemi à vous aimer. Oh my god! Et pour 40 000 $, la paire allait sortir une version remixée de leur album en utilisant rien d'autre que des sons de chat à la place d'instruments de musique. Tabarouette, hein? C'est du stock. Il y a quelqu'un qui a bidé dessus. Donc, ils vont vraiment sortir une version de leur album avec que des chats. Même la couverture du CD a des poils de chat. Il n'y a pas d'extrait, j'ai pas trouvé d'extrait en tout cas sur leur site web. C'est présentement disponible gratuitement, on peut le précommander, mais il n'est pas encore sorti en tant que tel. Ok. Voilà, donc c'est Run the Jewels si ça vous intéresse. Courir les bijoux, Run the Jewels. Mm-hmm. Allez voir ça. Et puis ce qu'on avait écouté tantôt, c'est une chanson de Rossini, pas la même chose du tout. Non. Voilà. Parfait. C'est le moment de prendre une pause. Au retour, Tania Baudin is gonna entertain you. Restez là. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki, on est mardi 10 novembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, je vous ai diverti tantôt en faisant C'est un fait. Oui. Chacun son tour, hein. Toi aussi, tu vas faire des faits aujourd'hui, tu vas nous parler de choses qui vont nous renseigner, nous faire coucher un petit peu plus intelligents. J'ai comme l'impression de devenir intelligente juste avec toutes les recherches que j'ai faites pour cette chronique-là. Encore, Lynn, ça met la barre haute pour Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école à bien, bien étudier, ça avait pas d'allure. C'est Tania! And she's gonna entertain ya! Salut Tania! Hey, salut! J'ai changé de parole pour ça. Ben ouais, j'ai bien vu ça. Ben oui. J'ai pas tant étudié que ça dans ma vie. T'as pas le diplôme. Ben, mais j'ai des diplômes, oui. T'es pas une scientifique, mais t'en joues une à la radio. Ben, je veux pas, sérieusement, je veux pas me déclarer scientifique. Je veux pas dire que c'est moi qui détient la vérité ce matin, là. Tu sais que Justine s'en vient tantôt et elle, c'est la scientifique de profession. C'est ça. Fait que peut-être qu'elle va me reprendre sur tout ce que je vais vous dire tout à l'heure, puis je vais apprendre que tout ce que je vous ai dit est faux. Mais ben, habituellement, t'as au moins une inexactitude dans ta émission. Mais en fait, je vais vous parler d'un article qui est sorti dans la revue The Journal of Sexual Medicine. Ah, ça a l'air vrai, ouais. En effet. Un article qui est sorti par Stephanie Ortigui, qui est l'auteur, en fait, de cet article. Là. Et qu'est-ce que cet article? Eh bien, c'est la science derrière le fait de tomber en amour. Ah. Parce que oui, on le sait, quand on tombe en amour, on se sent un peu toujours niaiseux. Ouais, oui. Comme ça. On se sent niaiseux. Puis la plupart du temps, on va associer tout ça avec le cœur. Quand vraiment, tomber en amour se passe vraiment juste dans le cerveau. Dans la tête. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé ce matin de vous parler de ça, parce que je trouvais ça quand même assez intéressant. Puis, je tiens à vous le dire, il y a beaucoup de termes qui vont être très scientifiques, mais inquiétez-vous pas, si tout est beau et si Justine tantôt me dit que j'ai bien fait ça, on devrait s'en sortir vivant tout à l'heure, OK? on t'écoute, on dirait un exposé oral. Ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression de faire un exposé oral et d'être noté surtout. Moi, je te juge déjà. C'est ça. Donc, en fait, grâce à l'imagerie cérébrale qui est l'IRM fonctionnelle, eh bien, on a basé une recherche sur 120 personnes, à savoir qu'est-ce qui était sécrété dans le cerveau quand on tombait en amour et quand on mettait devant les gens qui étaient dans la recherche une situation qui est plaisante pour eux et qu'ils aiment, et surtout des gens qu'ils aiment en temps normal. Il y a 12 régions du cerveau qui ont été activées à ce moment-là. C'est pas seulement juste une, là. C'est 12 places dans votre cerveau qui, quand vous tombez en amour ou que vous ressentez ce sentiment-là, s'activent de façon assez exceptionnelle. Et ils ont décidé de faire cette recherche-là tout simplement parce qu'ils avaient déjà fait une recherche sur d'où provient le courage dans le cerveau. Mm-hmm. Tu sais, quand on dit qu'on a un acte de courage, un acte d'adrénaline de courage, mettons, bien la plupart du temps, ça va être sécrété par le cerveau. Et c'est là qu'ils se sont posé la question, OK, si quand on a un acte de courage, mettons, il y a des régions de notre cerveau qui s'activent. Est-ce que ce sont les mêmes ou différentes qui vont s'activer lorsqu'on tombe en amour? Quand tu essaies de lever un char pour sauver ton bébé, c'est ça m'a fait que tu tombes en amour. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on est capable de déceler ça? Alors, c'est pourquoi ils ont créé, en fait, cette recherche-là. Et comme je l'ai dit, ça a été fait sur 120 personnes, ce qui a donné des analyses, en fait, de 12 régions cérébrales activées lors du moment où vous ressentez ce sentiment-là d'amour ou d'excitation ou peu importe. Donc, la motivation aussi est une des régions, un des sentiments qui fait en sorte que ces 12 régions-là sont allumées. Oui. Philippe Bond sort de ce corps. Je fais des petits clins d'œil à la caméra 3. Donc, c'est pas très, très compliqué. Pour libérer des molécules chimiques euphorisantes comme la dopamine, l'oxytocine, l'adrénaline et la vasopressine. La vagocéline aussi. La vagocéline, oui, exactement. Eh bien, tomber en amour peut engendrer les mêmes effets que ceux produits par la cocaïne. Ah ben! Donc, quand on dit « je suis follement en amour ouais. » ou « je deviens folle » ou « je deviens fou », ben vous avez peut-être pas tant tort. Fait que je peux te traiter de maudite folle. Ben non. Non. Ah. Non. Ah. Pas ce matin. Je pensais que ça excusait tout. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont excusées, mais ça, c'est un autre dossier. Donc, en fait, là, vous êtes là, OK, ça sécrète de la dopamine, de l'oxytocine, de la vasopressine, ça me dit pas c'est quoi. Eh bien, inquiétez-vous pas, je suis là pour ça. Ce matin, j'ai mis mon sarrau blanc. Ah, ben, il y a des imprimés animaliers dessus, je trouve, mais bon. Et je deviens une scientifique pour vous. Je vais vous expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est que ces fameux neurotransmetteurs ou ces molécules-là qui font en sorte que vous devenez fou. T'aurais dû mettre tes lunettes de geek. Hey, j'aurais été d'aplomb un matin. Donc, qu'est-ce que la dopamine? Eh bien, c'est un neurotransmetteur, donc une molécule qui transmet des informations entre les neurones. Là, je tiens à vous dire, je vais vulgariser les choses quand même un peu parce que c'est des termes très scientifiques et je veux que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec vous si jamais vous êtes en train de tomber en amour. Ouais. Alors, quand la production de dopamine est modifiée ou bien qu'elle est interrompue, eh bien, la communication entre les neurones se fait mal. Et la dopamine est libérée par notre cerveau lors d'expériences plaisantes, quand on a du fun, évidemment, et particulièrement lors de la consommation de drogue. Donc, quand on dit que tomber en amour est un peu semblable à faire de la cocaïne, ben c'est un peu à cause de la dopamine, en fait. Cette molécule-là joue un rôle dans les addictions, mais elle est aussi liée à l'amour et au plaisir sexuel. Donc, évidemment, lorsque vous avez du fun, eh bien, c'est la dopamine qui est sécrétée. Mais là, elle est mélangée à d'autres choses, évidemment, dans cette situation-là où qu'on tombe en amour. Elle est mélangée, d'ailleurs, à l'oxytocine. Donc, l'oxytocine, en fait, c'est une hormone synthétisée naturellement par l'organisme au niveau du cerveau, donc plus précisément par l'hypothalamus, ce qui est une partie de votre cerveau. Et puis, elle est stockée dans l'hypophyse, qui la libère quand elle est nécessaire. Donc, vous allez voir un petit peu plus tard, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau lorsqu'on tombe en amour, et vous allez comprendre un peu quelles sont les différences entre ces neurones-là et ces molécules-là. Qui vous font virer fou, folle. Qu'est-ce que la vasopressine? Eh bien, c'est une protéine qui est sécrétée par une glande nommée hypothalamus, encore une fois, et libérée par l'hypophyse, elle aussi, qui est une autre glande. Donc, la vasopressine intervient au niveau de la régulation, régularité, hein? Régulation. Ouais. de la volémie, c'est-à-dire du volume sanguin qui circule dans le corps et qui joue quand même un rôle très important sur les vaisseaux sanguins artériels, ce qui augmente la pression artérielle. Donc, okay. quand vous dites que vous tombez en amour puis que vous avez le cœur qui débat, puis que... je perds connaissance. Ah, il est tellement bon. Ça va, ça. Ben, ça, là, c'est à cause de la vasopressine, pas à cause de votre cœur. Finalement, tomber en amour, c'est pas mal moins le fun que ce qu'on pense. Ça, c'est pas juste parce qu'il y a un man bun, peut-être t'es déçu, ça. Ouais, ça dépend. Ça te déprime, là. Le cœur arrête de battre, puis tu fais comme... C'est là! Ben, c'est ça. C'est ça. Mais là, c'est souvent... par rapport à un coup de foudre aussi. Mm-hmm. Tu sais, quand on dit un coup de foudre ou que... Quelque chose d'incontrôlable. C'est ça, c'est vraiment incontrôlable parce qu'en fait, c'est nos yeux qui sont reliés à notre cerveau qui vont faire en sorte qu'on va sentir toutes ces choses-là. C'est pas vraiment votre cœur. Oubliez ça. Oublie le cœur, là. Lui, il est pas là-dedans, pas en tout. Donc là, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se produit tout ça dans votre cerveau. C'est que l'hypothalamus va justement sécréter la dopamine dans le corps, ce qui vous cause ce petit sentiment-là d'excitation puis d'engouement face à une personne. Puis par la suite, comme la dopamine va lever dans votre système, mm-hmm. un peu partout dans votre corps, eh bien la sérotonine, elle, va descendre. Qu'est-ce que la sérotonine? Eh bien, la sérotonine, c'est un autre neurotransmetteur, évidemment. C'est une substance qui permet de transmettre l'influx nerveux entre les neurones. Okay. Donc, ça ressemble un peu à la dopamine, moi, je trouve. Je ne sais pas exactement quelle est la grosse différence entre ça. Peut-être tout à l'heure, Justine va pouvoir rectifier. Mais moi, je sais que Coca-Cola devrait sortir ça. C'est à la place d'avoir un Coke Zéro, tu aurais un Coke Zéro. Sérotonine. Pour pouvoir te rajouter plus de sérotonine. C'est ça. En fait, elle a quand même un rôle proche de celui des hormones qui est induit différentes actions, notamment dans la régulation, encore une fois, de certains comportements. Donc, on dirait quasiment un mélange entre la vasopressine et la dopamine, qui est sécrétée par la même place dans le cerveau. Donc, c'est quand même très drôle. Ouais. Ce sont des molécules et des neurotransmetteurs qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne font pas du tout la même affaire. Donc, la sérotonine, elle, est responsable pour je voudrais pas dire le terme anglais, mais j'ai pas vraiment d'autres façons de le dire. Quand tu dis que t'es dans un mood. Dans un genre d'humeur. Ouais, l'humeur, c'est ça. C'est la sérotonine qui est responsable de votre humeur ou encore de votre appétit. Donc, tu sais, quand on dit « je suis tellement en amour que je mange plus », non, c'est pas votre cœur. C'est la sérotonine dans votre cerveau. C'est pas votre faute. C'est pas de votre faute. C'est vraiment pas de votre faute. C'est la faute de votre cerveau. Faut juste passer à travers. Ben oui, exactement. Puis, plus le niveau de sérotonine est bas, eh bien là, c'est justement ce qui fait en sorte que ça peut devenir quasiment compulsif. Ouais. Parce qu'il vous manque des affaires. Puis, ben moi, en fait, je lisais. Je faisais beaucoup de recherches et je trouvais que tomber en amour, c'est vraiment contradictoire parce qu'il y a des neurotransmetteurs et des molécules qui sont dans le plafond, tandis que d'autres sont vraiment en bas, mais en temps normal, sont censées s'égaliser ces deux affaires-là. Sauf que là, elles sont complètement opposées. C'est ce qui fait que vous virez fou. Puis il y en a qui font ça à répétition. Ben oui. Qui sont quasiment rendus des super sérotonines. Ben exactement. Sérotonine. Ouais. Tu sais, quand... Je sais pas moi, le sentiment de jalousie, exemple. Ouais. C'est maladif un peu. C'est maladif, mais justement, ça va se passer dans ces zones-là aussi. Donc, inquiétez-vous pas, là. Il y a des médicaments pour ça. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des médicaments pour ça. Mais c'est pas de votre faute. C'est vraiment le cerveau qui fait en sorte que vous allez vous sentir comme ça. Ouais, la rage au volant, tu sais, des trucs comme ça. Quand t'es facilement atteint par quelque chose, ceux qui sont soupaulés à outrance. Mm-hmm. Ouais. Et en fait, avec la dopamine, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui est sécrété dans le cerveau à ce moment-là. Et je ne savais pas vraiment trop comment vous la traduire. Donc, je vais simplement y aller comme elle est dite en anglais. Je vais t'aider voir. C'est « the nerve growth factor ». Je peux pas t'aider. Donc, en fait, c'est le facteur grandissant des nerfs, quasiment. Genre, c'est les nerfs poussent. Moi, c'est mettons. Ça. On appelle ça le NGF. OK. Ouais. Donc, en fait, c'est... Le NGF, on va le voir dans les gens qui sont nouvellement amoureux. Mais si le NGF, à un certain moment, disparaît, qui vous voyez que, ben pas vous le voyez là, c'est vous allez le sentir, j'imagine, c'est que votre cerveau ne va plus le produire et c'est ce qui fait en fait que vous arrêtez d'aimer quelqu'un. Hey, j'ai trouvé une traduction sans du tout chercher. Vas-y. Le facteur de croissance du tissu nerveux. Ah, voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Mais ça a du sens, pousser les nerfs. Ben oui. Faire que facteur de croissance du tissu nerveux. Ben c'est ça. Ouais. Puis c'est, comme je le disais, c'est ça qui est relié directement à l'intensité de vos sentiments amoureux. Donc si un jour vous dites, ben j'ai comme juste plus l'impression de t'aimer ouais. à quelqu'un, c'est juste parce que ce NGF-là est plus sécrété dans votre cerveau. C'est ce qui fait que vous perdez un petit peu d'intérêt envers la personne qui, en temps normal, vous aimez. C'est ça. Ça explique bien des choses. Ça explique beaucoup de choses et c'est là qu'on se sent beaucoup moins coupable. Ouais. Ben, c'est ça, finalement, moi, le matin, j'essaie de vous faire sentir moins coupable c'est par ça. Rapport à ce que vous faites dans votre vie. Tu m'aides, Lala, tu m'aides. C'est bon. Donc, on le disait tout à l'heure, l'hypothalamus produit l'oxytocine et la vasopressine. C'est quand ils sont pris de l'hypothalamus et envoyés vers la glande, et là, donnez-moi un instant, la glande pituitaire. Pituitaire, oui. Ça, c'est une autre partie du cerveau, évidemment. Pituitaire et quart. Pituitaire et quart. Pituitaire 23. C'est ça. Eh bien, là, ça va sécréter d'autres hormones dans votre corps, ce qui fait que, encore une fois, vous vous sentez soit amoureux ou si c'est pas fait, vous allez pas vous sentir amoureux. C'est ça. Dans certains moments de passion extrême, mettons, exemple. Mettons que sur Internet, ils donnaient un exemple d'orgasme, OK? OK. Bien, ça va être sécrété à plusieurs reprises. Wow. C'est ce qui fait que vous avez beaucoup de plaisir. Mais est-ce que tu peux provoquer chez quelqu'un l'envie d'être en amour avec toi? Mais non! Je ne crois pas parce que c'est le cerveau, en fait. Ouais, c'est donc, ça. Si le cerveau... Il n'y a pas de pilule pour ça. Ben, je crois pas qu'il y ait de pilule. Non, je suis désolée. Ça va aller. Ça, c'est scientifiquement. Évidemment, quand vous apprenez à aimer quelqu'un ou à connaître quelqu'un, oui. Juste certaines choses que vous allez apprendre de cette personne-là va peut-être sécréter oui. ces parties-là de votre cerveau. Là, je parle quasiment du coup de cœur seulement, du coup de foudre seulement. Mmh. La première fois que vous voyez quelqu'un, qu'est-ce qui fait en sorte que... Ça clique ou ça clique pas. Que ça clique ou que ça clique pas. Certaines personnes vont avoir un clic avec une autre personne simplement à cause de leur... comment ça s'appelle déjà? C'est les rapports sexuels des deux personnes qui... Les phéromones. Les phéromones. Et voilà. Il y en a qui s'entendent juste par les phéromones. Et ça, c'est quasiment juste une attirance ouais. physique, sexuelle. Là, on parle pas sauvage. De ça. C'est ça, sauvage, oui. Ça peut, oui, ça peut se traduire comme ça certaines fois. Mais ça, je vous parle pas de ça parce qu'évidemment, c'est quelque chose que vous contrôlez pas non plus. Qu'est-ce que les phéromones? Bien, c'est encore une fois une glande. En temps normal, c'est une odeur. Mais vous, vous la sentez pas. C'est vraiment l'autre odeur de l'autre personne qui va sentir ça et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez comme avoir une attirance physique les deux ensemble. Wow. Ça c'est dès pour... la première fois, t'as pas le choix, c'est la première fois. Si ça marche pas la première fois, c'est fini. Flop. C'est ça. Ouh. C'est ça. Ben, pas, ça veut pas dire ça, mais ça encourage-moi. C'est votre attirance physique l'un pour l'autre, ouais. mettons, qui est sécrétée par les phéromones. Hey, j'ai vraiment l'impression d'être intelligente à matin. Oui! Ben, je te crois quasiment. Yes! Puis, évidemment, là, vous allez me dire, ouais, mais dans le cas d'un amour inconditionnel, tu sais, mettons, celui d'une mère pour son enfant, oui. Il se passe quoi? Même son enfant pue. Mais là, je vous parle pas de phéromones okay. par rapport à la mère, je parle vraiment de ce qui se passe dans le cerveau. Tu sais, on va dire qu'une mère aime son enfant de façon inconditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu les mêmes choses qui sont sécrétées? Bien, c'est la perception de l'être aimé qui active pas les mêmes zones, en fait, dans votre cerveau. C'est une... Là, je vais y aller vraiment mot pour mot sur mon petit document. C'est une substance grise périachiducale. Teriyaki? J'ai entendu teriyaki. Oui, teriyaki, exactement. C'est les régions corticales qui sont impliquées dans la connotation ou l'émotion de haut niveau. Donc, c'est vraiment pas les mêmes zones qui sont sollicitées à ce moment-là quand que c'est un amour inconditionnel d'une mère à son enfant. C'est pas les mêmes amours. Donc, quand on dit, tu sais, exemple, là, je sais pas si c'est des frères et des sœurs. Une sœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez petit de demander à votre mère, c'est qui ton préféré? Ouais, c'est ça. C'est impossible. C'est impossible de savoir parce que... Tu peux avoir ton moins préféré. Quand il y en a beaucoup. Mais c'est quasiment impossible parce que, justement, ce sont pas les mêmes zones que l'amour entre deux humains qui sont sollicités dans le cerveau. Alors, mon Dieu, j'ai quasiment fini. Wow. Quasiment, il me reste juste un point. Comme je vous le disais, c'est un article qui est apparu dans The Journal of Sexual Medicine, qui a été écrit par Stephanie Ortigui, qui est l'auteur de cet article-là, qui m'a fait pencher sur la question, parce que je trouvais ça très intéressant de savoir en fait que quand on tombe en amour, on pense qu'on devient fou, mais le tout est expliqué. Et vous pouvez ne pas vous sentir fou demain matin si jamais vous êtes dans ces moments-là. Oui. Là. Mettons. Mettons, exemple. Mettons, exemple. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Stephanie Ortigui, l'auteur, disait « En comprenant pourquoi les gens tombent amoureux et pourquoi ils ont à ce point le cœur brisé quand ça arrive, ouais. Eh bien, ils peuvent utiliser de nouvelles thérapies pour guérir les maladies... Ben, les maladies du cœur, les malades du cœur. Tu sais, quand tu dis que t'es en dépression ouais. parce que quelqu'un t'a laissé ou parce que quelqu'un t'aime plus. C'est ça. Tu sais, lui, ça va être quasiment justifié par, justement, son cerveau. Mais toi, ta dépression est aussi justifiée par ton cerveau. Donc, cette recherche-là a fait en sorte qu'on peut maintenant trouver d'autres traitements et d'autres traitements, oui, là, mais d'autres séances, d'autres alternatives aux changements face à la dépression amoureuse. Ce qui est vraiment très intéressant. Oui, mais ça... Puis... informez-vous, tout simplement. Ça, c'est des articles que j'ai trouvés en anglais. Mais vous pouvez aussi faire le tour en français sur Internet, si jamais ça vous tente. Je peux vous poster? Oui, poster par la Poste Canada. Oui, c'est ça. Je vais poster sur la page Facebook d'Assemblage Requis l'article en français que j'ai trouvé sur le sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant si jamais ça vous intéresse. Mais encore une fois, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de virer fou. C'est votre cerveau qui contrôle tout ça. Donc... Ah, une chance que t'es là pour nous sentez-vous ramener... Sentez-vous pas victime. Hein, Mathieu? Hey, un petit peu plus de subtilité, hey, s'il te plaît. Au nombre de fois que tu m'as lancé des couteaux, celle-là, j'avais le droit. Et je vais aussi vous poster un article qui est en anglais, en fait, parce que ça m'a fait penser, oui, mais tout ça, là, ça a bien beau être sécrété par le cerveau, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a peur d'aimer? Peur d'aimer. Mmh. Ouais, peur de s'attacher, peur de s'embarquer. Exactement. Ouais. Ça, c'est un autre cas de recherche. Mais je vais vous poster, en fait, sur la page Facebook d'Assemblage Requis, un article anglais qui vous donne des 5 façons de justement surpasser ça, cette peur-là de tomber en amour ou d'être en amour ou de vous attacher. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Et j'espère que vous vous sentez moins mal d'avoir des sentiments. Oui. Ce matin. Oh. Tellement ça fait du bien. Ah, moi, je te dirais, je donne un diplôme pour ça. Ah, oh, t'es donc un fin, merci. Ou encore, je donne un diplôme comme dans 10 prunes. Ah, oh, j'aimerais ça avoir un diplôme d'Hogwarts, si tu peux me trouver ça. Ah, tu travailles là-dessus? Il y a sûrement un petit Google Images avec ça. Cool. Merci, Tania. Ben, ça fait plaisir. Puis, on se quitte musicalement? Ben oui, musicalement, je me suis dit, quoi de mieux qu'une pièce qu'on a déjà entendue? Évidemment, ça va être une pièce d'amour. Qu'on a déjà entendue parce que je l'aime bien. C'est Jonathan Clay avec Heart of Fire. Assemblage requis sur C'est fou. I'm falling in, I'm falling down. I wanna begin, but I don't know how to let you know how I'm feeling. I'm high on hope, I'm reeling. I won't let you go, now you know. I've been crazy for you all this time. I've kept it close, always hope. go, now you know. I've been crazy for you all this time. I won't let you go, now you know. Est-ce que j'ai entendu la phrase « Souviens-toi » qu'il y avait un silence à la fin? Oui. Est-ce que tu me connais, Mathieu Plante, enchanté? Je me rappelle pas de ces affaires. Mathieu, il dit « Ouais, mais là, pourquoi ça joue plus? Il reste 30 secondes. » 35, genre. « Ah, souviens-toi, il y a un silence! » Non, non, non, parle pas de ça. Ouais. Non. C'est pas grave. Bref, merci Tania pour ta chronique sur l'amour. Hey, merci. J'espère que je vous ai un petit peu aidé, comme je le disais, à mieux vous sentir face à vos sentiments ce matin. Ben, moi, je trouve que oui. J'espère que Justine va pas arriver tout à l'heure puis me dire « Hey, ce que t'as dit, là, c'est totalement faux. » Il va falloir qu'elle refasse ta chronique sur l'amour la semaine prochaine. Ça, ça serait terrible. Version 2.0 corrigée, revue et corrigée. C'est ça, revue et corrigée. Voilà, Tania is gonna entertain tous les matins à Assemblagerie. On prend pause, au retour. Qu'est-ce qu'on a tantôt? On a un petit le bloc pub. Ouh. Dans quelques instants. Et plus tard, une surprise de Marc. Oui? Le retour de l'ancien animateur du matin, Marc Perrier. Non, c'est pas vrai. OK. C'est une blague. J'essayais de savoir. C'est aussi un inside. À tantôt! À tantôt! Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce mardi 10 novembre 2015. Il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh, que oui, que oui, que oui, que oui, que oui. Ah, on a eu la chance d'entendre une chanson justement à la pause, donc je pense qu'on est dû pour retourner en chronique drette là. Ah oui, comme oui. Tout de suite. Parce que tu sais qu'en radio, c'est soit on passe en pub, ouais. Ou soit on passe en extrait de chanson pour dire ce qui s'en vient plus tard. Tu sais, les autres installations comme ça, ils font tout le temps ça, c'est des agaces. Nous, pas d'affaires de même. Ah, on passe directement aux vraies affaires. Voici le bloc pub. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. Hey, t'es pareil. Moi, quand j'ai remis ça dans l'intro du bloc pub, je me disais, c'est une vraie joke. Mm-hmm. Là, depuis que c'est revenu à VTL, les voyances puis les trucs comme ça, là, mm-hmm. C'est moins drôle. C'est trop vrai, trop proche de la réalité. Bref, j'suis d'accord. Parlons de nos amis chez Astral Media. Oui. Astral Affichage qui intègre des écrans numériques en complément des affiches statiques dans les abribus de Toronto. Astral qui permet aux marques d'interagir directement avec la cible publicitaire. Donc, Astral Affichage a lancé Abribus Interactif, un nouveau produit introduisant l'audio et la vidéo dans les Abribus à Toronto. Ça inclut un écran interactif de 22 pouces, offrant audio et vidéo, intégré à même la structure de l'Abribus au sein d'un panneau publicitaire statique régulier. L'ensemble vise à favoriser l'engagement et l'interaction auprès des voyageurs. Au lancement, Abribus Interactif comptera 10 écrans dans des endroits clés choisis par les clients. Le système peut fournir une variété de contenus tels que des bandes-annonces de films, des nouvelles fonctionnalités de voitures, des calculateurs hypothécaires ou des annonces de concerts, entre autres. sur des nombreux sites de projets pilotes dans la ville de Toronto. 90% des consommateurs disent vouloir en voir plus sur les écrans d'abribus. 84% qu'ils utiliseraient de nouveau l'écran tactile et 96% confirment que les écrans interactifs accentuent le caractère innovant et moderne de Toronto selon Astral Affichage. Évidemment, les gens vont se tanner, là. En ce moment, on voit par exemple une publicité de souliers et au milieu de l'affiche qui est de la grandeur de l'abribus normal sur le côté du panneau, ben au milieu t'as un écran de 22 pouces, c'est quand même assez petit et tu peux cliquer sur play pour voir un film jouer. Sûrement que ça pourrait être activé par un détecteur de mouvement, des trucs comme ça. Sûrement. C'est pas une mauvaise idée. On a simulé sur une application, sur une affiche de musée, je crois. On a simulé l'écran d'un iPhone. OK. Donc, l'écran de 22 pouces est entouré d'un design iPhone. Et là, t'as l'impression de pouvoir être sur ton téléphone en plus grand. Et évidemment. On t'affiche de la musique. Il y a l'audio aussi, donc on peut entendre le clip. Ça pourrait être bien. On peut vous dire c'est à quel coin à Toronto si j'ai. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'ai hâte d'arriver dans un urinoir à un moment donné, puis que là, à un moment donné, ça commence à jouer de l'audio puis du vidéo. Hein. Mais ça se voit, hein, dans certaines toilettes de filles déjà. Ah, c'est trop, c'est beaucoup trop, ça. Je crois que ça se voit beaucoup, évidemment, aux États-Unis, mais je pense que ça commence à faire sa place, justement, ici au Canada. Ah, ben. Mm-hmm. Ensuite, une campagne de sociofinancement qui s'appelle Hashtag plein le sac. De déclic soutenu par Citoyens Optimum et Portrait de Montréal. 140% de l'objectif de financement a été atteint. La campagne de sociofinancement plein le sac qui reposait sur la vente de sacs remplis de cadeaux offerts par 14 artistes québécois comme Michel Côté, Julie Le Breton, Fred Pellerin, André Robitaille, Éric Salvaille, a permis d'atteindre 140% de l'objectif de financement de déclic au profit des jeunes en difficulté. Citoyens Optimum et Portrait Montréal ont contribué bénévolement à cette campagne, ayant permis de récolter 21 000 $ en un mois et d'accroître la notoriété de Déclic auprès du grand public, faisant connaître sa mission. On a opté pour une approche communicationnelle humaniste et axée sur le terrain en s'associant à Portrait de Montréal, une start-up hébergée par le Cossette Lab en 2014. Ça, c'est une agence publicitaire. Portrait de Montréal a ainsi accepté d'aller à la rencontre du cofondateur de l'organisme, de la directrice générale et de 7 jeunes ayant bénéficié des services de Déclic. L'initiative a également été soutenue par une opération de relations de presse avec le porte-parole Rémi-Pierre Paquin, de même que des rencontres avec des blogueuses et de la sollicitation de dons sur le terrain avec l'aide d'une ancienne participante de Déclic. On parle maintenant de publicité sans publicité pour Planète Plus. Havas Worldwide Canada signe sa première campagne pour Planète Plus, une chaîne de télé, et souhaite susciter la curiosité avec un concept ne présentant pas de pub. La chaîne Planète Plus s'adresse aux gens qui sont curieux de nature. Et Havas Worldwide Canada a imaginé une campagne jouant sur la curiosité du public. Plutôt que d'utiliser des espaces publicitaires pour de l'affichage, l'agence y a placé discrètement plusieurs petits moniteurs diffusant du contenu de Planète Plus. Ainsi, seulement les personnes ayant eu la curiosité de s'approcher de la pub en profitent réellement. Un concept en affichage et un volet numérique sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut voir des bannières publicitaires dans un métro. Qui dit chaîne documentaire à la chaîne documentaire à la chaîne documentaire, mais tout ça est coupé, on voit pas les débuts et les fins du panneau. Et ça dit Planète Plus. Ou sinon, la chaîne. pardon. la chaîne documentaire à découvrir dès maintenant. Et là, on va en faire écouter la vidéo parce que ça demande un petit peu plus d'explications. On regarde à travers un trou. Donc, on voit pour commencer. Ah, j'ai encore pas la vidéo, Tania. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, en fait, comme tu le disais, ça a pris place dans certaines stations de métro. Donc, on voit des gens qui attendent le métro et qui sont tout simplement intrigués par le fait qu'il y a deux petits trous, comme tu le dis, et qu'on voit quelque chose défiler, mais c'est beaucoup trop petit et beaucoup trop loin. Alors, les gens s'approchent et du moment qu'ils mettent un œil face au petit trou, eh bien là, ça s'agrandit sur ce coffre, sur quoi offre Planète Plus, en fait. Donc, ce coffre était parfait. Ce coffre. Ne te remets pas en question. OK, merci. Ce coffre Planète Plus, alors on voit différents types, art et culture, histoire, voyage, et ça défile en fait tout ce dont on peut bénéficier avec Planète Plus. Tu vois comment tu parles bien? Merci. Bravo. J'aurais même pas pu faire mieux que ça. Donc ensuite, continuons avec une nouvelle de Noël. Oui. Tu sais qu'une Noël s'en vient. Fait qu'on en commence à en parler comme là. Et voilà, l'Halloween à peine terminé. Le marketing de Noël commence à prendre d'assaut au commerce et publicité, en commençant par les Starbucks britanniques. Tu veux-tu parler des Starbucks américains? Comment? Britanniques. Oui, vas-y. Tu veux parler de parle américain? Mais non, mais là, il y a comme une grosse... grosse chicane là, sur les réseaux sociaux parce que leurs copes ont pu te flocons. Oui. Non, mais... Hey. Non. Hey, hein? Ça, là, OK. On Donc, l'absence OK, oui, je sais de quoi tu parles, j'ai vu l'article. Bon. Quand tu chiales sur l'absence de flocons de neige et symboles de Noël religieux, ça se peut pas, là. Tu peux pas chialer sur l'absence de quelque chose. S'il y avait mis des symboles, genre d'autres fêtes de religieuses... Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être, OK, que tu pourrais avoir quelque chose à dire contre le fait qu'ils font la guerre contre Noël, mais l'absence de quelque chose ne veut pas dire que tu encourages l'opposé de ça. Je suis d'accord. De toute façon, le cop est rouge. Oui. Le Père Noël, il est rouge, là. Ben, et où l'outrage sur les verres pour le beer pong? Oh. Ils ont toujours été rouges. Ils ont jamais eu de neige. Ils sont racistes. T'sais? Non, c'est quoi, là? Je suis d'accord, mais vas-y avec les Britanniques. Donc, les Britanniques, la chaîne Starbucks a dévoilé sa campagne de Noël à Londres sur la rue King's Cross. Crime. King's Cross, c'est religieux, ça. où une tasse rouge de 4 mètres de haut s'allume lorsqu'il est activé par des tweets à l'aide du mot-clic Red Cups. Les tweets sont également affichés sur un panneau publicitaire numérique et des cartes cadeaux sont distribuées. Une offensive qui présente les différentes boissons saisonnières servies dans des tasses rouges, dont le latte au pain d'épices et le latte au lait de poule. Ah. Au Canada, on peut aussi retrouver les mots-clics Red Cups et concours hashtag concours gobelet rouge. Ah, ouais, c'est parce que eux, c'est pas des verres, c'est des gobelets. Et ça a l'air qu'un emoji de gobelet apparaît. C'est génial, ça, un emoji de gobelet, j'adore. Mais c'est sûrement sur Twitter qu'il va apparaître ou... C'est comme le goût de l'essayer. Je ne sais pas. Peut-être dans leur application, tu sais, Tim Hortons avait sorti une application emoji, là, que c'était seulement utilisable si tu avais le clavier, parce que ça envoyait une... pas un gif animé, mais une image. Je suis triste. Ouais. Le métro montréalais, maintenant, prend les couleurs de Hunger Games. Un wagon maquillé aux couleurs du film sera en circulation sur la ligne verte du métro montréalais. Dans le cadre de la sortie prochaine du dernier volet de Hunger Games, l'agence Visum et les films civils ont créé une application en collaboration avec Cogeco Métro Média, Megapose et la STM. Durant 4 semaines, un wagon maquillé aux couleurs du film sera en circulation sur la ligne verte du métro montréalais. En plus de l'extérieur, la totalité des affiches intérieures sont utilisées. Le 26 octobre, une équipe promotionnelle était présente dans le wagon pour distribuer, en collaboration avec l'éditeur PKJ, 1000 exemplaires du 3e tome de la série de livres. Ça vaut quand même pas mal d'argent, tout ça. En novembre, mois durant lequel le film prend l'affiche dans les cinémas, une campagne en format panoquet sera mise de l'avant dans le métro de Montréal. Et en juin dernier, une affiche géante de la station Berry-UQAM arborait le signe de ralliement des rebelles et annonçait l'arrivée en salle du dernier acte de la saga. Donc, une grosse, grosse campagne promotionnelle pour Hunger Games, les jeux d'avoir faim. Mm-hmm. As-tu trouvé l'émoji? Ben, j'essaie. J'essaie encore. Ouais. Maintenant, des moustaches qui ont marqué l'histoire. On reste en novembre. Sidley lance la plus récente campagne de la fondation Movember, où l'on croise entre autres Charlie Chaplin et Albert Einstein. L'agence Sidley et la fondation Movember, qui partagent un bureau à Los Angeles depuis un an, ont conçu leur première initiative conjointe pour donner un nouveau souffle au développement et au rayonnement de la cause. Cette initiative est composée de 3 vidéos soulignant la fierté de porter une moustache en s'intéressant aux moustachus astronautes, scientifiques et humoristes. Et là, c'est des vidéos YouTube, je devrais être capable de les lire. On va commencer par Movember Astronautes. On voit des astronautes arriver au plan en ralenti sur un toit d'immeuble de béton et de ciment. Les astronautes regardent au loin. On se demande ce qu'ils regardent. 5 astronautes sur 7 ont une moustache. Et là, on voit qu'une des personnes est une femme. Ouais, c'est ça. Une fusée décolle. Un astronaute court a manqué son décollage. Il est triste. Et il ne portait pas de moustache. Oh. Vous avez 71% moins de chances d'aller dans l'espace si vous ne portez pas de moustache. Les astronautes, ils ont trouvé un excellent lien. Ben c'est parce qu'après ça, il y a plein de photos d'anciens astronautes et ils ont tous des moustaches. Et qu'allez-vous réussir cette année? Movember.com. J'adore ça. Est-ce qu'on écoute celle... Je trouve ça drôle, j'ai envie d'écouter celle de Charlie Chaplin. OK. On est en noir et blanc, un gars tire sur une corde pour lever le rideau d'une pièce de théâtre. 3 génies de l'humour sur 5 portent la moustache. Qu'est-ce que les souliers ont dit au pantalon? Ça va être un jeu de mots, ça, qui va être intraduisible. Sup, britches? Sup, britches? C'est un jeu de mots avec britches et bitches, on se comprend. Et le public ne réagit pas. Un peu comme à l'impro, là, lundi soir, des fois. Et là, il lève son chapeau et il dit « Écoute, c'est comme un film silencieux, ici. » 100%, sans moustache, j'ai 60% de chances d'être moins drôle. Quelque chose comme ça. Donc, Charlie Chaplin a une moustache. Oliver Hardy avait une moustache dans... Bref. Qu'allez-vous achever, réussir, donc, cette année? C'est super. C'est drôle, hein, quand même. Au début du vidéo, ils disent 3 comédiens sur 5 ouais. portent la moustache. Ouais. Mais à la fin du vidéo, ils en montrent juste 2. Ouais. J'avoue, ils n'ont pas réussi à en trouver plus que ça. Je suis comme, ah! À travers toute l'histoire. Je suis comme mauvaise statistique. La plupart des rednecks de l'humour aux États-Unis, le Blue Collar Comedy Group, là, ils ont toutes une moustache, ces gens. Tout le monde a une moustache. Tout le monde a une moustache. On va au cinéma du parc. Oui. Hein? Un musée pour cinéphiles. L'agence Les Évadés propose une série d'affiches pour le cinéma du parc, une campagne d'affichage utilisant le principe d'ambiguïté objective. Le cinéma du parc, cinéma indépendant projetant des films classiques et étrangers, s'est fait offrir une série d'affiches par l'agence Les Évadés. Elle comprend 3 affiches mettant en contraste le cinéma et les plus grands musées du monde qui, eux, exposent des œuvres non cinématographiques. Utilisant le principe d'ambiguïté objective qui permet de visualiser 2 images en une seule, dépendant de comment tu la regardes, l'opération dresse le portrait de 3 réalisateurs et leurs films cultes. Donc on découvre Alfred Hitchcock et un corbeau, mm-hmm. Stanley Kubrick et Alex Delarge, héros du film Orange Mécanique, ainsi que Werner Herzog, mis en scène avec le bateau de son film Fitzcarral. Hein? Donc un peu comme les illusions d'optique, mais ouais. plus ou moins parce qu'on voit clairement le corbeau dans Alfred Hitchcock. Mais quand même, il fait partie... C'est comme un peu ses cheveux sur le côté. Ouais, c'est... Ses cheveux sont aussi un corbeau, si on le... Ben, je te dirais que moi, celle que j'ai eu le plus de difficulté à remarquer, c'est la dernière. Celle qui est écrite Van Gogh. Oui, exactement. Donc, on voit... ouais, il y a comme des cheveux ouais. et une moustache. Et on est supposé voir... Tu sais, je vois le bateau, là. Je suis d'accord avec toi. Le bateau qui est son cou, comme un peu... Dans son cou, à l'arrière ouais. de son cou, de sa nuque, si on veut. C'est un peu tout. Visuel, celui-là. C'est le moins bon de la gang. Ouais, c'est... Les deux autres sont pas mal meilleurs. Ils ont juste décidé de mettre un bateau dans son cou. C'est pas vraiment une illusion d'optique dans ce cas-là. Le port du Québec. Oui. Hein, comment on dit? Le port... T'es pas capable? Non. Non, mais on va t'enseigner à le faire, OK. Donc, il faut attends, que tu... il faut... En plus, en fin de semaine, il est arrivé quelque chose, j'ai ri et j'ai ri comme ça. Mais sans faire exprès, t'as imité un cochon. Exact. Il faut que t'aspires de l'air par le haut de ton palais un peu. T'es proche. Si j'ai vraiment envie de le faire, je suis pas capable. OK. Est-ce que... si je le fais rire assez, peut-être. Joke de pet. What's up, bitches? Je pense pas que ça va fonctionner. Ah, c'est dommage. Mais en plus, c'est que là, je commence à manquer de voix. J'ai comme l'impression que ça fonctionne moins. Ouais. T'as jusqu'à la fin de l'émission pour imiter un cochon. On dirait que si tu y penses pour le faire, ça fonctionne pas. Pourtant. Le port du Québec, donc, qui envahit le métro, encore une fois, le métro de Montréal. Les éleveurs de port du Québec lancent, dans le cadre de leur partenariat avec IGA, c'est une épicerie, ça, une offensive de 4 semaines aux stations de métro Berry-UQAM et Lucien Lallier. En cours jusqu'au... Ben, en fait, c'était en cours jusqu'au 1er novembre dernier. OK. Pour la station Berry-UQAM, la campagne visait à convaincre que les recettes de port pouvaient être diversifiées et faciles à réaliser, même un soir de semaine, en proposant une inspiration culinaire au public. À base de viande de porc, évidemment. Donc, l'initiative signée par LG2 et Cara prend d'assaut les stations Berry-UQAM et Lucien Lallier avec une murale, des panneaux publicitaires numériques et des colonnes maquillées à l'effigie de la recette qui changent chaque jour pendant 4 semaines. Les usagers peuvent donc se procurer les recettes exclusives à base de porc créées par M. Stefano Fajita au porc. Pareil, comme dans les petites annonces à la télévision. Pareil. L'opération a été réalisée en collaboration avec Astral Affichage pour l'activation à la gare Lucien Lallier, puis avec Cogeco pour la station Berry-UQAM. Donc, on a vraiment, littéralement, des recettes qu'on peut pogner, puis s'en aller faire ça à la maison, puis tout le monde est content. Mais c'est vrai que c'est pas si difficile que ça. Non, c'est ça. Mais moi, je serais pas porc. Ben. Mais ça dépend comment c'est apprêté. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas une pub qui va me faire aimer le porc. Oh non, tu crois pas? Non. C'est une bonne cuisinière. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que tu cuisines pas tant, hein? Ensuite, non, pas tout à fait, non. Voilà. Allons-y avec, tiens, on va y aller avec une suite de Kijiji. On a déjà parlé de Kijiji et ses publicités rappées. Oui. Qu'on adore. Tu les aimes particulièrement? J'en ai vu une, justement, hier soir, sur... bien sur YouTube, ouais. Qui annonçait une Xbox et le rap était malade mental. Est-ce que j'ai juste celle de Xbox? Non, je crois que j'ai juste celle sur les guitares. J'en ai en anglais. Est-ce que t'as entendu celle en anglais? Non. Comment le gars a une voix de je comprends pas comment ça fait qu'il est rapper? je comprends pas pourquoi qu'il est... On va écouter ça, juste pour la fin. Yo, check this out. Plan to start up a band. You need to marshal my man. 50 or 100 was combo and portable size when you wanna jam. I spoke to Johnny, he's willing to drop it for 800 cash in my hand. But don't get it twisted, cause he will not trade it unless it's a fan and I'm soon. Même si tu regardes le clip et que les paroles sont affichées, je ne comprends pas ouais. les mots qu'il utilise. Non, moi non plus, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'articulation. C'est ça. C'est le Ben Carson du rap. Mais pour ceux qui suivent la politique américaine, c'est juste moi ça. C'est juste... Je serais curieuse de voir celle de Loud Larry et celle du gars qu'on aimait beaucoup, là, qui était là, yo, skip pas, j'ai de quoi pour toi. Oui, oui, c'est ça. Ben, en français, ben, c'est sûr que, évidemment, tout le monde les a entendus, donc j'avais moins l'envie de les faire jouer, mais maintenant que t'en parles... Ouais, parce que Loud Larry, il s'est ajouté juste à cette campagne-là. Il était pas à la première campagne qui les annonçait. C'est lequel, Loud Larry? Le dernier. Le dernier de quoi? Ben, des vidéos. La liste. Ah, OK, là, sur le même article. OK, excuse-moi. Oui, exactement. Je t'ai rendu sur la page YouTube, moi, là. Ah, excuse-moi. OK, on l'écoute. Le déshydrateur. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ma copine veut que je me débarrasse de mon déshydrateur. J'ai dit, baby, please, j'préférais l'aspirateur modèle Nesco FD75 600. Ouais, je laisse partir pour 60$. Un modèle autant mon compte direct. Pas pire, hein? C'est très pas pire. Lui, je l'aime bien, ce gars-là. Est-ce que ce sont eux qui écrivaient les textes ou bien ils recevaient l'annonce et ils devaient faire ça, l'annonce? Ça, c'était le concours Kijiji Raps où les gens devaient poster une publicité avant le 27 octobre sur Kijiji. Il n'y avait aucune mention du concours. Moi, j'ai vu sur Kijiji, à moins que ce soit mon bloqueur de pub qui m'empêchait de le voir. Mais il fallait aller sur kijijiraps.ca pour poster l'URL, l'adresse de ta page. Okay. Et si tu choisissais au hasard, il écrivait un rap, ben, sûrement pas au hasard, sûrement qu'il allait par rapport à... À l'annonce. Des bons raps, c'est ça. Ouais. Donc, et là, ben, ils écrivaient eux-mêmes un rap sur l'annonce. Ah, d'accord. C'est ce que j'en ai compris. OK. Fallait voir sur la page YouTube de Kijiji Canada. Il y a vraiment toute la gamme des publicités. Oh, pour vrai? Et en anglais, encore une fois, je dois le rappeler, en français, pas fort fort, c'est les filles qui font du rap, hein, apparemment. Hein? Ben, en anglais, il y a une rappeuse. Oui. C'est encouragé. Peut-être qu'en français, on aurait pu se forcer un minimum, tu sais. Bon. Ouais, mais si on n'a pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on n'a aucune rappeuse québécoise, aucune selon toi. Genre, aucune. Je vais t'avouer que mon bassin. Ton bassin? de connaissance rap est vraiment moindre, mettons. C'est vrai que t'as un beau bassin. Comme c'est. Je sais pas. Si on a des rappeuses au Québec? Je sais pas. Il faudrait qu'elle écrive. Tu penses qu'on en a? Ben, j'ose espérer que sur une population de X peu importe millions, il y a au moins une fille qui sait faire un rap semi-potable. Qui se prend pour Nicki Minaj, mettons? Il n'y a pas juste Nicki Minaj, là, c'est... Ben, elle rap, là, tu peux pas dire qu'elle rappe pas. C'est vrai. Elle se rendait dans le bassin avec toi. Elle rappe en tabarouette. Elle rappe en maudite marde. Voilà. Il devrait juste demander à la fille qui rappe en anglais de juste apprendre le français, bâtard de marde. Essaye-la en français. Comme, ouais. Je m'appelle John. Je m'appelle John. Donc, voilà, pour le pub, on fait ça une fois de temps en temps, surtout les mardis, je te dirais, Assemblage Requis. Mm-hmm. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Bidibop, bidibop. T'es full bilingual le matin. Bidibop. On n'a pas de rap à vous faire entendre. Ben non, malheureusement. Parce qu'on a envie d'entendre quelque chose qu'on aime. Écoute, parce qu'on aime pas ça le rap. On écoute Destroyer. OK. Avec Girl in a Sling. Et ça, là, c'est une fille qui porte une écharpe. Ouh. Un de mes nombreux fantasmes. Avec des taches d'osseur. Ah, là, par contre. Pas personne qui. Ah non, mais là. Là, le studio est situé au pavillon Néré-Beauchemin. Le calme, 1006B. Si vous êtes intéressé. Three stars, the night sky above, used to mean everything to horses in love, girl in a sling. How come your eyes come? In and out of focus in the park, all alone, early spring, girl in a sling. Been sifting through these remains for years, bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I've been sifting through these remains for years. Bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there. Est-ce que t'as encore utilisé l'expression « je suis dans la pelle » Tu sais que maintenant on utilise l'expression anglophone mais « shitting in a shovel ». Shitting in a shovel. Comme ça paraît moins. Ah. Ça a l'air moins vulgaire. Je devrais utiliser ça. C'est ça. On vient d'entendre Destroyer avec « Girl in a Sling » à Assemblage Requis. On prend une pause et au retour, c'est l'affaire spéciale qu'on n'a pas dit à personne qu'est-ce que c'était. Parce qu'on veut vraiment... Oh, excuse-moi, on n'est pas encore dans, cette, dans le bloc pub, c'est fini ce soir. Au retour, la surprise de la semaine. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est assez fou. 89. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Mais le mannequin ne répond pas. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. Mais le mannequin ne le sait pas. Mais le mannequin ne le sait. Mannequin de magasin, parle avec Confie. Au retour, c'est vrai, ça va être le moment qu'on attendait, le moment le plus spécial de la session jusqu'à maintenant, mais on vous dit toujours pas ce que c'est. Avant ça, voici The Noble Thieves. Assemblage Requis. Oh, bâtard de CD qui me disent qu'il reste 35 secondes, pis c'est pas vrai. Mais ça arrive beaucoup, hein, aujourd'hui. C'est deux fois la même émission. C'est pas grave. Hey, toujours à l'assemblage requis, Tania Baudin, là. Avec Mathieu Plante. Absolument. Mais là, j'ai des flashbacks de l'année passée. Tu sais, dans le temps qu'on est animé à l'assemblage requis, pis que pendant comme une année, c'était pas comme la bonne intro. Tu sais, oh. c'était comme tout bizarre, genre, mettons. Ce qu'on avait cette année-là, c'était comme pas l'intro d'Assemblage requis. Tu t'attendais à voir comment ça se fait? Pourquoi qu'on avait cette intro-là? Je sais pas. Dis-moi donc. C'est un mystère. Je sais pas. J'étais pas là, moi, l'année passée, je peux pas savoir. Non, mais c'est pas ça. C'était sûrement la faute de Stéphanie Paradis! Stéphanie Paradis qui est là pour le Cheese Quiz! Cheese Quiz donne ta personnalité, personnalité. Il fait sensation de bien des façons. Pour les sauces, les nachos et tellement d'autres choses. Avec du vrai cheddar canadien, si succulent sous la dent. Cheese Quiz donne ta personnalité, personnalité. Fait avec du vrai cheddar canadien, donne la personnalité. Et elle donne la personnalité, c'est Stéphanie Paradis. Ah ah! Hey Stéphanie! Hey, salut! Ah, le retour ce matin. Ah, qu'on est content de t'avoir parmi nous. Limite stressée. Oui, on a mis de la pression en disant que ça allait être un moment spécial, le plus fabuleux de la session au complet. Non, mais je vais revenir. OK. Fait que si jamais... Pour battre ton high score. Si ça échoue, je me reprendrai. OK. Hey, Cheese Quiz, est-ce que quelqu'un qui se souvient c'est quoi le Cheese Quiz? Je pense que ça le dit, il y a du fromage. C'est gratiné. C'est ça. C'est un quiz gratiné. Wow. Donc, mais j'ai pris du fromage léger quand même, là, si jamais il y en a qui veulent préserver leur silhouette de fesses. Je suis intolérant au lactose. Ouais, moi aussi, fait que merci beaucoup. Non, non, mais j'ai pris le fromage Allegro. OK. Donc, on est correct. Exactement. Oui, oui, tu sais, je pense aux autres. Qui goûte le plastique, là. ils font mal, en plus. Ah, c'est vrai. C'est le pire pour gratiner. Mais bon. Mais de toute façon, Mathieu, fallait pas que tu pètes pour buzzer aujourd'hui. Ah, c'est ça, hein, OK. Est-ce que je peux faire un bruit de cochon? Parce que moi, je suis capable. Non, mais de toute façon, toi, tu joues pas. Ah, c'est vrai. Mais je peux te faire des bruits de cochon pareil. Ah oui. OK, parfait. Oh, il n'y a pas de problème. OK. Si quelqu'un a une mauvaise réponse, je peux faire... Ah oui, OK. Cool. C'est parfait. Donc, les règlements du Cheese Quiz, c'est pas de contact physique, à part ça... Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les mains? Comme au soccer, mettons. Mais t'auras pas le choix, en fait, pour buzzer, parce que je vais distribuer un buzzer. Oh! Des buzzers surprises, en plus. Oui, parce que ceux-là de l'année passée, ils sont disparus. Quelqu'un les a pris pour un autre quiz, bande de copains. En fait, je me demande si on n'a pas prêté ça aux précieuses ridicules. Ah! Et on a justement peut-être quelqu'un qui pourrait nous renseigner là-dessus tantôt. On vous en reparlera. Mais c'est pas vraiment grave. C'est pas le genre d'objet dont je me sers à la maison. OK, un sac à pète. Oui, c'est ça. Un petit toutou qui fait squeak-squeak. Non, c'est un genre un pingouin louche cuisinier. Je pense que c'est un pingouin cuisinier. C'est possible. Pour compter les points, Mathieu, je te laisse le choix. Donc, selon, je dirais, la réponse de la personne, tu évalueras aussi tout ce qui entoure la réponse. Le contexte. Hein, la façon de buzzer, les explications. Tu pourras donner le nombre de points que tu veux. Je te laisse gérer ça. OK. Sur 5, mettons. Ou sur... Y a-t-il une... Non, non. Je te laisse gérer ça. Je peux vraiment donner plus de points à quelqu'un qui mérite plus. Je te laisse gérer ça. Mais par exemple... Mais je peux me tromper, c'est ça que ça veut dire. Mais si... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Si y a une fille qui te soudoie avec une partie de son corps, tu peux pas lui donner plus de points parce que ça enlèverait des chances à quelqu'un d'autre. Oh! Donc, on ne soudoie pas avec des parties corporelles. On va vous voir en dessous de la table. Je vais vous sentir, en tout cas. OK. Mais Mathieu? Oui? Là, on en parle, mais qui sont nos participants? Mais merci, Stéphanie! Nous participons d'aujourd'hui! Et il anime Assemblage requis et les palmarès si fous depuis l'automne. Certains diraient, quelle est la Stéphanie Paradis de l'année scolaire 2015-2016? Tania Baudin! Ah, moi, j'ai le gars quand même. Elle chronique dans Assemblage requis avec Justine Pertine. C'est la vétérane de l'émission, celle qui fait des chroniques depuis le plus longtemps. C'est Justine Renaud! Justine! La scientifique de renommée. Vous la connaissez de la chronique Gratin et vin gratuit qui a débuté au début de l'automne à Assemblage requis. Elle est toute nouvelle dans l'équipe, Marie-Christine Perra. Il émet son bulletin Gertin chaque semaine dans Assemblage requis. C'est aussi l'éditorialiste du Zone Campus, Sébastien F. Gertin. Et voilà, Stéphanie. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous auriez envie de connaître le sujet de notre quiz d'aujourd'hui? Juste avoir les buzzers, là. Ah oui. Hey, une chose à faire. Ah bon, mais OK, je vais vous laisser deviner en vous donnant les buzzers. Est-ce que tu as choisi des buzzers en fonction de si t'as des go des filles ou genre, tu sais pas c'est qui participait? Écoute, j'ai choisi ce que j'avais à la maison. Ok, ah oui, t'as amené ton chat. Prout. Es-tu mort? Ah ben non, non, okay, non, okay. Ben non. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Ben non, moi, pas aussi vieille que la tienne. Oh, burn! Ah! Bon, donc on commence, on a un petit toutou qui rit, faut que je le mette à on. J'espère qu'il va fonctionner à tous les coups. Est-ce que c'est des vrais jouets pour, mais... tes, pour ta vraie fille puis tout ça? T'as des jouets que t'as vraiment... Non, c'est des faux jouets de ma fausse fille. Ok, parfait. Je suis sûr. Ça va fonctionner. Ça arrive vraiment pas fort. Ah! Ah, c'est bon, ça. Fait que je l'ai vu serré. Un petit rire discret, ce sera le buzzer de numéro 1. Qui a droit à ça? Ah, Sébastien, viens. Non, mais on va quand même prendre en considération le mouvement de sa main. Oui. Oui. Surtout que c'est le seul gars dans les participants, donc l'air vient plus naturel. Non. Ensuite, j'ai une espèce d'hippopotame lampe de poche. Il est cool, lui. Moi, je prendrais ça, c'est cool. Il fait des bulles. Ah, dans sa tête, oui, il est très perturbé. Celui-là, je pense que je vais le donner à Justine. Ah, ouais, il me tentait, lui. Une vraie hippopotame. C'est quoi? Un rhinocéros, un hippopotame? C'est quoi? C'est un hippopotame. Un hippopotame. Lampe de poche, quand même. Là. Il ouvre sa bouche, puis il fait de la lumière. Sinon, j'ai un animal mauve. Ça, c'est un classique. Oh, c'est un chien. Je dirais que ça donne quasiment un avantage à la personne parce qu'il n'y a aucune difficulté à être activé parce qu'il n'y a pas d'électronique. Ça fait juste se brasser. Effectivement. Tu n'as pas à t'assurer que ça va vraiment se déclencher. Donc, partagez-vous ça. Ah! Et j'ai... Ah, c'est Marie-Christine qui va avoir ça. Un autre hippopotame mauve. J'espère que ça va fonctionner. Oh! Ah! Oui! J'ai un nouveau préféré, je pense. C'est moi qui l'ai. Mais en passant à celui-là, c'est à moi, c'est pas à ma fille. C'est un petit hippopotame qui trône dans ma salle de bain. Là, je te reconnais. Là, je te reconnais. OK, donc on va faire un petit récapitulatif des buzzers. On va y aller dans l'ordre à partir de ma gauche. Donc, Tania Baudin. Justine Renaud. Marie-Christine Perra. Sébastien Guertin. Ça fonctionne très bien. J'aime ça. Et moi, on se rappelle... Quand quelqu'un m'a posé. Est-ce que vous avez deviné un peu le thème? Les animaux? Hippopotame. Oh! Excuse-moi, mais t'en as comme... Les enfants. Oui, plus les enfants. Tu vois que Marie-Christine part avec une longueur d'avance ayant plusieurs enfants. Deux enfants, deux filles. Plusieurs. Non, j'en ai 18. Non, mais plusieurs. Deux, c'est plusieurs. Combien de jumeaux là-dedans? Quatre paires. OK. Quatre paires. Ah, ils ont quatre paires. Chaque jumeau. Incroyable. Et comment la nature a changé. Donc, on est au 1001, s'il y en a qui s'intéressent. 1001! Pas 1006, comme j'ai dit tantôt, que les filles pouvaient venir me rejoindre. Non, t'as pas dit au 600. Non, 1006. Je me rappelle plus. Ouais, il y a dit 1006. Okay. Mais c'est 1001 BC. C'est quand même plus proche que 600. C'est ça. Bref. Donc oui, les enfants, c'est le thème d'aujourd'hui que je n'avais pas révélé à personne pour pas donner davantage à personne. Le temps d'avoir un enfant, puis tu sais, de l'élever, puis genre... C'est ça, ça a été vraiment... Déjà en partage, je vais couler. Moi, je me dis qu'en tant que la représentante des homosexuels, ils vont plus jamais vouloir qu'on fasse des bébés à cause de mes réponses. Ils vont dire, non, eux autres, non. Ce groupe-là au complet, non, merci. Non, mais inquiétez-vous pas, là, on s'entend, moi, avant d'être maman, là... Ça me fait encore bizarre de le dire, là. Mais oui. Moi, je pensais que c'était les cigognes qui venaient porter un bébé à notre porte. Quoi? C'est pas ça? Ben, non. C'est pas ça. Fait le saut quand il a glissé, j'ai vraiment fait le saut, hein. Il y a personne pour l'attraper, ça fait juste... Non, mais... Non, hein, ça sort pas de même. Non, OK. T'en reparleras à ma fourche. Oh, enchanté. Est-ce que je peux lui serrer la main? Non, ça serait inapproprié, je pense. On a du pas de contact physique au début. Non, même pour les animateurs. Donc, oui, c'est une demande spéciale de Mathieu. Oui. J'imagine qu'il voulait tous vous voir vous humilier parce qu'il savait qu'il jouerait pas. Est-ce que t'es en train de dire ça juste pour pouvoir, genre, si mettons ça flop le quiz, que ça va être de ma faute? Exactement. Parce que t'aimes ça me blâmer. Voilà. Ah, je te connais bien. Voilà. Mais tantôt, tu sais, je parlais de ma fourche, là, mais j'ai accouché à la maison de naissance de la rivière et je tiens à dire que c'est le meilleur endroit et que ma fourche, croyez-le ou non, est intacte. Donc, avis aux futures mamans, c'est possible. Ta fourche est intacte comme de la coutellerie fine avec une fourchette parfaitement flambant neuve. C'est un jeu de mots entre fourche et fourchette comme coutellerie fine. Moi, elles sont pas meilleures que l'année passée, mais je le moins. Je pensais qu'avec l'expérience, c'était comme le bon vin, le fromage. Non. Malheureusement, non. Non. Ah. Après 11 ans, on se demande encore quand est-ce qu'il va être drôle. Hey, on commence! Hey! Hey! Moi, je suis prête. Je suis prête. Oh, je suis prête aussi. Pas je suis prête. Je suis prêt. Mm. OK? Donc, on fonctionne comment? Est-ce qu'il y a des rondes? Est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-t-il des thématiques? Ben, on va juste commencer. L'enfant, non, mais tu sais, je veux dire... Bébé maternité. Mais je sais pas si 14 questions. Par ordre de date. Pointe. OK. Non, je dirais que j'étais allée dans le plus... Tu parles de l'âge des participants ou des enfants? Dans tes catégories de questions, mettons. T'sais. Non, je dirais que j'ai plus visé le 0-12 mois, ce qui m'interpelle le plus présentement. Parfait, 0-12 mois. D'accord. J'ai vendu du linge, moi, 0-12 mois, j'ai peut-être ça d'avance. Oh. T'as porté ça récemment? J'en ai vendu. On l'a dit tantôt qu'elle avait un bassin très, très peu large. Ouais, c'est ça. Dégage. Bon, faudrait qu'on commence. OK, on commence le quiz. Allons-y. OK, donc, question numéro 1. Je tiens à dire, je me suis pas relu. Un bébé né à terme... Ah, en passant, il faut attendre, j'ai fini la question. Oui. Sinon, okay. Pénalité de points. Et c'est toi qui décides qui a réussi à avoir le buzzer en premier, moi? Consensus? Consensus. Oh! Ça veut dire qu'on... Chez Sus dans la même émission. C'est ça. C'est comme si c'était la première fois. Tu parles d'enfants, en plus. Qui ne viennent pas avec les cigognes. C'est quoi, il s'adresse à un public averti? Non, mais je tiens à dire que... C'est pas de même qu'on fait des enfants, là. Ah, consensus, OK. Là. Un bébé né à terme pèsera en moyenne entre 5,5 et 9,5 livres. Selon le livre des records Guinness, combien pesait le bébé le plus lourd à avoir vu le jour? Marie-Christine. 22 livres et demi. Ben, je pense que c'est une bonne réponse. C'est 22 livres et... Ben, c'est ça. Et 8 ans, tu connais ça? Wow. What? C'est exactement moi, c'est mon bébé. Mais c'est exactement ça, je dis pas ça, mais dans le fond, oui, c'est 22 livres et 8 onces. Et ce bébé est né en Italie en 1955. Non, mais qui c'est ça dans la vie? J'ai de l'instinct. Mais chat, elle t'a collé en plus direct sur le chiffre. Ça vaut combien de points? Ça l'a dit vraiment vite. Un bon. Puis. 3 points. À l'once près, là, oui. Quand même. C'est okay. Vrai, c'est 8 onces, c'est, ouais. C'est 16 onces. C'est ça, c'est 16 onces une livre. Je vais te donner. C'est combien le poids? Comment? 22 livres et 8 onces. 22,8 points. Oh! Ben, bonne chance, les autres. Elle l'a soudoyé. Ben, il y a une question, si vous l'avez direct dessus, d'après moi, ça donne beaucoup de points. Sur le poids des mères? Ça dépend de la taille de bassin. Ben, on parlera le même pas du nombre mien. De points, moi. On parlera pas du mien. Oh. Question numéro 2. Qu'est-ce que la Madone inversée et le football? C'est-tu des positions d'accouchement? Non! Ça prend un cochon. C'était pas ça. C'était pas ça. Ah, oh, excuse-moi. Excuse-moi. Okay. T'as le droit de répliquer? Oui. Ce sont des positions d'allaitement. Oui, allaitement. Exactement. Bravo, ça c'est une victoire, ça. Wouhou! Des papillons! Yeah. Des petites fleurs! Des saints! On parle d'allaitement. Des saints, oui. Saint-Joseph, Saint-Gabriel. C'est ça, Saint-Antoine. La Sainte-Trinité. Okay, voilà. C'est-à-dire qu'avant même le quiz, on a callé que Marie-Christine allait gagner, OK? Oui, c'est vrai. Donc, ça vaut au moins l'allaitement, c'est par sein, combien ça pèse un sein? Je sais pas. Moi, j'en ai deux seins. Mais je veux pas me mêler dans les mathématiques, fait que pour se rendre jusqu'à 30, ça fait genre 8, ça fait 7,2 pour que t'aies un total de 30. Parce que sinon, je vais te mêler. Toi, je pense que, Justine, tu voulais absolument avoir 22,8, je pense que je vais t'enlever... 22,8. Ouais, non, c'est vrai. Pas. Go. Ah ouais, fais-le. Non. T'es pas game. Je suis sûr qu'il est même pas capable de faire cette soustraction-là. Ouais, cette soustraction. Cette soustraction. Soustraction. Ah. Traction, c'est un rapport avec les chars. Ça fait que je connais pas plus ça que... Question numéro 3. Donc, poursuivons hein, dans le sujet de l'allaitement maternel. Le... Je connais les seins, mais pas de cet angle-là. Ah! Oh wow. Donc, le lait des premiers jours est épais et souvent de couleur jaunâtre. Comment s'appelle ce lait des premiers jours? Ah, oh. Oh, ça va être encore ma Christine. C'est Tania. Lait des premiers jours. Moi, j'ai le caca des premiers jours. Le lait du pré qu'on peut garder sur ta blatte à température pièce. Je sais pas. Hey, mon chum connaissait pas ça. J'ai voulu l'acheter la semaine passée pour y faire goûter. Mais ça fait deux personnes en une semaine que j'entends qu'ils ne connaissent pas ça et je suis foudroyée de savoir que les gens ne suivent pas l'actualité. Ça fait trois, moi non plus, je connaissais pas ça. Moi non plus. Voyons donc, je vivais ça chez mon arrière-grand-mère. Le lait tablette, là. Oui. Non, c'est stérilisé plutôt que pasteurisé. OK. L'autre en poudre, c'est pas ma affaire. Non, il est pas en poudre. Okay. Ça serait pire en poudre. Pas par le nez, qui sniffe du lait dans la vie? Marie-Christine, tu... Du colostrum. Oh! Bonne réponse! Bonne réponse. Par contre, tu l'as eu au quatrième ou cinquième essai, donc je vais te donner un point. Fait qu'on t'arrive à 31. Fait que c'est comme ça qu'on va faire... Ça m'a pris beaucoup de temps avant de l'avoir. T'as dit que t'avais le caca des premiers jours, c'est quoi? Ben là, je l'ai oublié. Du colostrum. Du méconium. Oui! Hey, j'étais pas loin, là. On parle de caca! Bravo! Celle-là, je le savais, par exemple. Ça a l'air de vraiment du goudron. C'est dégueulasse. Miam! On va goûter ça à une grosse pointe en l'air. J'ai vraiment le goût d'avoir des enfants maintenant! Question numéro 4. À quel âge est-il recommandé de commencer la diversification alimentaire, c'est-à-dire offrir autre chose que du lait maternel ou des préparations pour nourrissons à notre enfant? Tania! C'est pas un an? 12 mois? Non! Bonne réplique, Marie-Christine! 6 mois. Bonne réponse! Ben oui! On va monter ça 2 points ce coup-là, juste pour voir. Ben ouais, c'est ça. Tu peux me donner des demi-points aussi. Mais je tiens à préciser que le lait maternel est l'aliment principal quand même jusqu'à l'âge de 12 mois. Boum! Même si on commence la diversification alimentaire avant. OK, ben ça vaut un point pour Tania. Ma mère va avoir moins honte. Donc, en effet, avant cet âge, l'estomac du bébé, il n'est pas prêt à digérer autre chose que du lait. Donc, il doit aussi être capable de se tenir droit dans sa chaise haute et de bien maîtriser les muscles de son cou. Ah, je suis rendu là, je pense. Donc, si vous êtes obligé de mettre ses céréales dans le biberon, c'est peut-être parce qu'il n'est pas prêt et posez-vous des questions. Wow! Voilà. Belle discussion. Non, mais... Si je regarde dans mon livre de bébé, moi, je pense que j'ai commencé ça, les céréales, à 3 semaines, parce qu'avant, c'était à partir de telle quantité de lait, tu commences les céréales et on se posait pas d'autres questions. Ouais, c'était pas la même affaire, hein? Ça a un petit peu évolué. Question numéro 5. Vers quel âge apparaît généralement la première dent de bébé? Généralement. Oh, ça se lance moins. Tania? 7 mois? Ouf! C'est un peu... 7 mois et demi? Ben, 6 mois. Marie-Christine mime quelqu'un en train de manger à la cuillère. 6 mois! Wow! Oh, t'étais à 7 mois et 6 mois entre les deux de ta mauvaise réponse. Elle a monté à 7 mois et demi aussi. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il reste, un demi-point. 3/4 de point. 3/4 de point. 1 et 3/4 de point. Maman, sois fière de moi. Fait que tu vas monter à 2 et 3/4 de point. Parce que je le compte comme un 3/4. Dites-vous qu'à 6 mois... Comme du jour au lendemain, il se passe vraiment beaucoup de choses. Question numéro 6. À 100 couches près, combien de couches utilisera un bébé jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, soit la propreté chez, disons, la moyenne des enfants? Marie-Christine. 503. Oh, là, ça, c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de bonne réponse, parce que c'est comme, il y a une bonne réponse, mais on peut être plus ou moins, faut-tu pas dépasser. Comme le Price is Right. On parlait de couches jetables, là, ou bien... Moi, de couches jetables, combien de couches jetables est-ce qu'un bébé va utiliser jusqu'à l'âge de 2 ans et demi à 100 couches près? À 100 couches près, OK. À 100 couches près. Fait que c'était pas 503. Fait que là, c'est moi qui ai le droit de réplique? Ouais. Et si quelqu'un d'autre veut se guesser, c'est un jeu de chiffres, n'importe qui peut jouer à un jeu de chiffres. Essaye de me guesser, c'est ma cousine. 800? Non. Montez! 1000! Oh, c'est Seb! Moi, je m'asseye, je vais dire 4000. Vous pouvez encore monter! Je vais dire 4001! Non, c'est pas vrai. Non, tu peux monter en masse. OK. Oh, en masse, c'est un bon indice. Mais en masse, là, peut-être pas doublé. 10 000? T'as ouais. Non. Ah. Je vais y aller avec 7005. Trop! Continuez, vous allez l'avoir. 10 000! Un petit peu plus bas! 5800. Et tu peux plus voir. 5700. Ça va être long, là. 5475. Bravo. Ça fait beaucoup de points. Ben oui, c'est beaucoup de points. Ça fait beaucoup de points. C'est ça, mais voilà, hein, toutes ces couches de tableau utilisées au Québec, mises bout à bout, feraient 6 fois le tour de la Terre. Donc, c'est pourquoi moi, j'utilise des couches lavables, hein, pour réduire mon empreinte écologique. Bravo, bravo, bravo, et bravo. C'est vraiment pas tant de travail que ça. Ah si jamais Vous vous posez la question, vous elle hésitez. Elle mange pas solide encore, ta fille. Non, elle mange pas solide. Pour l'instant, c'est très facile. On envoie tout dans la laveuse. Mais après ça, on peut se prendre une cuillère à caca. Et ça va très bien. Wow! Génial! Moi, je vais donner 75 points, juste pour pas que ça dépasse trop les autres. Fait que t'es rendu à 77 et 3 quarts en ce moment. Non, mais souvent, les gens vont dire « Non, je veux pas de couche lavable, je veux pas jouer dans le caca. Mm-hmm. » Mais je tiens à vous dire que n'importe quelle couche déborde et que vous allez finir par jouer dans le caca de toute façon. Voilà. Ça fait partie du fun. Mais oui! C'est la cuillère qui change. C'est ça, tu traînes toujours une cuillère dans tes poches. Ouais. Encore un jeu de mots de cul. Là. Hein? C'est dans cuillère. C'est pas une cuillère. C'est pas une, tu dis pas une cuillère? T'es pas assez trifilienne, je pense. Cuillère. En tout cas, next! Next! Question numéro 7! Il manque de musique. Mec, aussitôt que t'as fini la question. Les premiers sourires de bébé ne sont pas intentionnels, mais reflètent plutôt un bien-être physique. À quel âge les sourires commencent-ils à devenir une réponse sociale à leur entourage? Tania! 6 mois! Mauvaise réponse! Sébastien! 14 ans. 14 ans. Non, ça, non, c'est l'âge à laquelle les sourires disparaissent pour un certain temps. Ah, excusez-moi, les enfants. Ah, Marie-Christine. 2 mois. Bonne réponse! Hey, bravo! Je te donne 2 mois de points. Fait que l'équivalent par jour, ça fait... 60. Ça dépend. 60. Ça dépend. Est-ce que c'est des mois de 30 jours, de 31 jours? Si c'est août, juillet, août, c'est 2 fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça en moyenne, mettons 30, les 33 que t'avais, ça fait... 93 points. Pas pire, ça? Je pense que c'est bon. Ouais, hein? C'est raisonnable. On pour un quiz où les points sont un peu aléatoires, je pense que c'est bon. Je vois pas de quoi tu parles. Question numéro 8. La vision commence à peine à se développer à la naissance après avoir subi un grand choc de lumière. Hein? On s'entend? Quelle sorte d'un vagin, il fait clair. Au début, son champ visuel se limite à 20 cm. Pour ce qui est de la précision de sa vue, il lui faudra 4 mois et demi avant de détecter la mine d'un crayon. Hein? C'est quand même long. Wow. À quel âge est-il capable d'apercevoir un cheveu? Oh, ça se bat pas, hein? C'est pas 6 mois. Ah, damnit, j'allais dire 8 mois. 8 mois. Non. Non. 12 mois. Non. Mais Christine, encore. Ben moi, je dirais moins. C'est plus petit un cheveu qu'une mine de crayon. Là. C'est vrai, ça. T'avais dit quoi, 4 mois? Tu sais, on dit qu'on coupe les cheveux en 4 des fois, peut-être qu'il faut... 2 mois? Non, c'est plus vieux. Probablement que la mine de crayon, c'est vraiment la mine d'un crayon de bois. Et ils non ont pas un dit. C'est ça, ça pourrait être un 0.5 mm. Ouais, mais c'est plus petit encore, un crayon de bois, il me semble. C'est quand même gros. Ça pourrait être un crayon de cire. Ça, c'est coloré, en plus. OK, là, j'ai dit 12 mois tout à l'heure. Tania? 2 ans, 24 mois? Non. Hein? Il reste juste Justine, dis n'importe quoi. Merde, mais dis des lunettes. 1 an et demi. Ça fait quoi ça, c'est 18? Bonne réponse! Oh! Ben tiens, Colin, un petit 18 points juste parce que faut bien te mettre sur le tableau. Ah, moi je veux 18 mois, non, non, 30. M'excuse, elle a dit 1 an et demi, c'est 1.5. Je vais essayer d'être fin avec elle, elle est pas encore au tableau, donc 18 points. Ouais, ben c'est déjà mieux 1.5 que... que genre 10 microns la taille d'un cheveu, tu sais. Ah. Wow! C'est fort. Non, je sais pas c'est combien la taille d'un cheveu. Mais pourquoi, encore une fois, je me demande tout le temps pourquoi est-ce qu'on utilise encore 18 mois rendu à 1 an et demi? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on parle encore en mois? On peut-tu dire qu'il y a 1 an et demi? Tu sais, 1 an et demi, bâtard. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, 19 mois, 20 mois, 21 mois, il y a toujours des différences. Ça change tellement vite. Je pense qu'en bas de 2 ans, les différences entre chacun des mois est assez importante pour qu'on précise le mois. Ah. Passé 2 ans, je pense que tu peux y aller au demi-année. Tu peux même dire 17 mois et demi, des fois. Ouais, c'est voilà. Okay, wow. C'est mais moi, quand filles... on est mère, on est bizarre. Seulement les filles font ça parce que leur âge est bien important. Mais parce je trouve... que les chums ne savent pas l'âge de toute façon. C'est ça. C'est comme la grandeur. Tu sais, je fais 5 pieds 2 et 3 quarts. Ben, le 3 quarts est important si quand tu mesures 5 pieds 2. Tu vois. C'est pas une question de filles, c'est une question de grandeur. C'est ça. De sexe. C'est ça. Ouais, toi, ça mesure combien? Ah, ton sexe? Ça se calcule en... 18 mois. Le système métrique a pas assez de... De millimètres, ouais, non, c'est ça. Bon, on va continuer, je pense. Ouais, s'il te plaît. Question numéro 9. À la naissance, un bébé voit... À la naissance? Ouais, moi aussi, j'ai entendu un ananas, j'ai faim. OK, moi, j'ai plus compris anal qu'à Mathieu. Par le tout, c'est probablement juste par habitude, là. Je suis désolée, Mathieu. À force d'être dans le caca. Voilà. Donc, ananas... Un bébé voit tout en noir et blanc et il lui faudra 5 à 6 semaines avant de percevoir le rouge et le vert. À quel âge commencera-t-il à percevoir le bleu et le jaune? Marie-Christine. 4 mois et demi. Non. Ça réfléchit fort, Tania. 8 mois et demi. Non. Cherche trop loin. Ah ouais? Sébastien. 6 mois. Bonne réponse! Oh, bravo! Bon, ben, il s'inscrit au tableau avec un 6 quand même. Ah. Ben oui! Plus du bleu et du jaune, ça plus, fait du vert. Plus bleu et jaune égale vert, donc 6 verts, 6V. 6V, 6V, V, V, V, V. C'est la vitesse grand V. Vitesse grand V, voilà. Je tiens à vous remercier de ne pas m'avoir blanchi complètement dans ce quiz-là. Ben, c'est un joke de couleur. Joke de couleur. Joke de couleur blanche. Oh, attends, ça rajoute des points. Là, attends, faut au moins tripler la mise, je pense. Encore dans ça, c'est comme un 7 chanceux 3 fois. Fait qu'elle est rendue à 18 points. Oh, égalité. Alors, Justine et Sébastien. Il est rendu avec un 1,5. Incroyable. Question numéro 10. Qu'est-ce que la fontanelle? Oh, tout le monde en même temps, Justine, hein, je pense. L'espèce de trou dans le crâne qui est pas fermé au moment où ce que genre le bébé naît là, puis que là ses os du crâne faut qu'il bouge parce que le vagin est trop pas assez slack. C'est ça, le trou dans le crâne là. Oui. Une chance qu'ils ont trouvé un meilleur nom que ça, hein. Qu'il y a pas encore des os, ils soudent après, mais je sais pas combien de temps ça prend, puis demande-moi pas. Mais exactement. Plus de points juste pour l'explication. Attends, il y avait combien de mots dans ta phrase? 18, fait que là t'es rendu à 36. Je sais pas, mais en termes d'explication scientifique, je suis loin d'avoir j'ai pas livré. Mais non, c'est ça, c'est l'espace mou et membraneux qui se trouve entre les os crâniens du bébé. Et avec l'âge, les os vont se souder par eux-mêmes. Et je sais pas non plus combien de temps ça prend. Mais c'est quand même long, là. Moi, ma fille a 4 mois et demi, puis la fontanelle est encore présente. T'es toujours en train de mettre ton doigt dedans. Pour, c'est pour stimuler les connexions neurologiques dans son cerveau. Ouais, ouais. Ben oui. Je l'aide. C'est ça. C'est étrange. Elle sourit quand tu mets ton doigt. C'est comme le bonhomme Pillsbury. Mais elle sait pas encore ce que ça veut dire. C'est le bonhomme Pillsbury de la tête. Oh, c'est vraiment dingue. Oui, c'est ça. Elle fait des brioches à cannelle, je pense, en plus. J'aime pas ça. Ouais. Question numéro 11. Ouais. Il faut attendre l'âge d'un an avant de donner cet aliment à un enfant, car il est associé au botulisme infantile. Quel est cet aliment? Sébastien! Le miel. Oh, bonne réponse! Hey! Ça fait une! Je peux te dire, c'est quoi le botulisme, par exemple? Ah, ben vas-y! Ah non, ça me tente pas. C'est une bactérie, mais ça se retrouve aussi comme dans les... Il y a des cannes alimentaires qui, ça a été mal stérilisé. Peu qu'on ait du botulisme, le botulinum, gnagnagna. Ouais, c'est mais ça. C'est la même affaire qui fait la toxine du botox. Le botox qu'on s'injecte là, dans le front, là, c'est la même affaire. Ça produit une toxine qui est paralysante. Fait que ton enfant, ça tente pas qu'il mange ça. Puis la chose, c'est que parce que le miel, il est pas tout le temps pasteurisé. Mais même s'il est pas, même s'il est pasteurisé... Oh, oui, pareil. C'est déconseillé d'en donner. En fait, ça dit les que là, sont élevés, lorsque le nourrisson ingère le miel, les bactéries de ses spores peuvent se développer et produire des toxines susceptibles d'entraîner la paralysie et le bébé ne peut pas gérer ses spores-là. Wow! Oh, wow. Moi, pour... Un peu comme Mathieu, il ne peut pas gérer les spores. Je suis pas capable, du tout. Pour le miel, je vais donner miel point. Oh! Ça fait miel 18. Et puis, Justine, pour ta demi-explication non, molle, non, ça valait je te pas, donne ouais. 500 points, la moitié de 1000, fait 736. Fait qu'on vient de se faire détrôner d'aplomb, là. Mais c'est pas mais forcez-vous, là. Hein? Une question, ça peut changer du tout au tout. Ah, assemblage requis. C'est pas Alexandre Barrette qui dit ça? À taxe payante? Non, dans... À Atom crochu. Oui, c'est ça. Et là, tout peut changer. Ouh! Ah, ben oui. Lors du prochain jeu, tout peut changer. Les grands esprits seront contents. Tout le temps. Exactement. Oui, des fois, j'écoute ça. C'est bon, c'est bien. Ben, c'est justement Sébastien F. Gartin et la réponse humoristique. Fait que dorénavant, soit drôle. Il joue le rôle d'Alex Perron. Il joue le rôle du gars à la fin en bas à droite. Oh, Alex Barrette, excuse pas, Alex Perron quand même. Ben, c'est quand même lui le plus drôle, Alex Perron. Ouais. Ben oui. Ça de même. En tout cas. Moi, je suis pas d'accord. On a le temps de se rattraper, tout le monde. Mon hippopotame est prêt. Le mien aussi. Question numéro 12. Ouais, toi, je sais pas c'est quoi l'animal. C'est un hippopotame puis il est mauve, lui, avec. Ouais, c'est ça. C'est tous des hippopotames mauves. Tous des hippopotames. Sauf le bébé qui rit. Un bébé encore, là. Il a l'air d'un petit pois. Donc, question numéro 12. Bon, bon. Dans quelle position est-il conseillé de faire les bébés? Non, c'est pas vrai. Dans quelle position est-il conseillé de coucher les nouveau-nés? Marie-Christine. sur le dos. Oh! Bonne réponse! Je le savais. Donc, c'est la façon la plus sécuritaire pour éviter la mort subite du nourrisson. Et attention à ce que vos parents, vos grands-parents vont vous dire. Ça a beaucoup, beaucoup changé au fil du temps. Et aujourd'hui, la recommandation, c'est sur le dos. Honnêtement, je pense pas que ça va changer. Il y a quand même pas 40 barres sur un bébé, là. Ils ont essayé sur le côté, sur le ventre, c'était pas ça. C'est sur le dos. Debout, bon. C'est malaisant. C'est spécial. Comme dans la petite vie, mettons. Sa tête, c'est pas bon pour la fontanelle. Oui. Après ça, je vous... Dans le bain. Dans le bain. La position dans le bain. Ah oui, dans l'eau, ça flotte. Fait ben... que... Oui. C'est beaucoup moins dangereux. C'est mieux sur le dos, dans l'eau. Sur le dos, dans l'eau. Est-ce qu'un bébé... Ouais, non, pas de blague de bébé mort, mais un bébé mort, sur le dos, dans... est-ce qu'il va flotter sur le dos comme un poisson? Ah, ça flotte, un bébé. C'est une sorcière, dans oui. un bain. C'est une sorcière, oui. OK, donc, Maxine, pour ta bonne réponse, je te donne la note do. Merci. Donc, deux. T'es rendu à do 93. Yeah! Question numéro 13. À partir de quelle température en degrés Celsius un enfant âgé de moins de 3 mois fait-il de la fièvre? Marie-Christine. 38,1. Ben oui, c'est ça. Oh. 38,1. Tout simplement. Je me pose toujours la question, on dirait que je l'oublie tout le temps. C'est comme super stressant, tu passes en température, puis oh mon Dieu, fais-tu de la fièvre? Je tiens à dire, 38, c'est rectal. Hein? Dans le caca. Dans le caca! Dans l'ananas! Dans l'ananas! T'as combien de questions en tout? Il m'en reste une! Il t'en reste une! Donc, moi, je te donne. Parce qu'évidemment, on n'a pas déterminé combien valait le do tantôt. Donc, do plus 93 plus ce que je te donnerais, ça donne 1018. Je suis touché! T'es rendu à égalité avec Sébastien Vigartin. C'est quoi les chances que ça arrive, ça? J'ai rien compris. En passant, si votre bébé de moins de 3 mois fait de la fièvre, hein, on se pose pas de questions, on va chez le médecin tout de suite. Oui. Pas de tempura, là. Non. On va chez le médecin. Ah, on peut pas rouler dans le tempura. C'est ça, des bons bébés tempura. Sur un bâton. Sur un petit bâton. Ça marchera pas. On va faire du poulet général... Panko. Général Panko. Ah, c'est triste. On est déjà rendu à la dernière question. Non. Question numéro 14. Je suis une maladie... est facile. Ah! Je suis une maladie dont les principaux symptômes sont la peau et le blanc des yeux jaunâtres. Tout le monde en même temps! Tanju... Mais non, mais qui répond tout en même temps? Tout le monde en même temps. La jaunisse! Bonne réponse! Ben oui, la jaunisse du nourrisson ou jaunisse physiologique... c'est pas une maladie en soi, c'est pas contagieux. Il s'agit plutôt, la plupart du temps, du reflet d'un mécanisme d'adaptation à la vie hors du ventre maternel. Donc, le fœtus, le feta, hein, le fromage feta, a besoin de beaucoup plus de globules rouges que le nouveau-né pour se développer. Donc, à la naissance, la destruction de cet excès de globules rouges va provoquer une augmentation rapide dans le sang du taux de bilirubine. Un pigment qui provoque la coloration jaunâtre de la peau. Donc, le foie du bébé encore immature peut avoir du mal à éliminer ce surplus de bilirubine. Pour ça, j'ai plus de vésicule biliaire. J'ai eu la juste jaunâtre. Qu'est-ce que la bilirubine? Bilibop, bilibop, c'est comme du rap. Ben, la bilirubine, comme elle l'a dit, c'est exactement ça. C'est juste un produit de dégradation de l'hémoglobine qui est contenu en très, très, très, très grande quantité dans les globules rouges. Puis, dans le fond, la bilirubine va être habituellement sécrétée au travers de la bile et donc dans nos fesses. Par nos fesses, c'est pour ça que notre merde est brune, essentiellement. Et c'est aussi pour ça que ceux qui ont des problèmes de foie, souvent, ils vont avoir des décolorations au niveau de leurs selles. Et ils peuvent aussi, de la même manière que nous, ils sont avoir la peau jaunâtre, les yeux jaunâtres. C'est un peu tout relié, là. Mais c'est vraiment un pigment là, de digestion de l'hémoglobine. Et il ne faut pas se tromper hein, avec les gens qui utilisent de l'auto-bronzant. Ça, c'est orange. Ouais, c'est exactement. Mais fais-y faire la culbute au pire. De toute façon, ça a l'air que ça soigne. Non, ça, c'est juste pour changer de sommeil d'abord. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon, côté point, tout le monde. Moi, je dirais que, bon, Tania... ta réponse vaut... tout le monde l'a eu, jaunisse. Hein? Oui. Donc, toi, ça vaut minimum 940. OK, ça vaut pas pareil pour tout le monde. Non, ben non, ben là, quand même, faut s'adapter. Ça vaut 940,25. Okay. T'arrives à 1018. Good. Justine, je trouve que ça vaut 482. T'arrives à 1018. Elle a quand même dit c'était quoi la bilirubine, précisément. Là. Non, mais c'est contenu là-dedans, là, dans l'explication. C'était contenu là-dedans. Dans les points. Maxine, toi puis Sébastien, je trouvais vraiment que ça valait comme... Zéro. Parce que c'était trop facile comme réponse. Fait que là, tout le monde a 1018. Oh! Tout le monde gagne. Sauf Mathieu. Est-ce qu'il y a du fromage? Qui veut se faire gratiner avec l'autobronzant d'assemblage avec... Moi, je vais avoir un Dorito, s'il vous plaît. L'odeur vient-tu avec? Bon. Je te le dis pas. Il va falloir que tu regardes par toi-même. Mais au mérite, moi, je dirais que ma Christine avait clairement une longueur d'avance. Ah oui. Fait que je pense que je donnerais probablement mon petit gratin. Ouais, mais j'ai 18 enfants. C'est vrai. Et ta collègue s'appelle Gratin et Vin Gratuit, donc gratiné, fromage chez Squeeze. Ah, voilà, gagne d'avance. Sinon, c'est pour ça qu'elle a gagné. C'est pour ça qu'elle a gagné. Justine a les meilleures explications du monde, mais pas très très rapide sur le buzzer, puis pas très bonne ses réponses. Non. Puis Tania et Sébastien. Ses explications sont bonnes. C'est ça. Tania et Sébastien, ça a pas joué bien fort. Ouais, non, c'est ça, je suis désolée. Fait que je dirais que, ouais, c'est pas mal ça. Et si on avait une chose à retenir de ce quiz? 6 mois! Ouais, 6 mois! Et voilà! Hey! C'était le Cheese Quiz! Ta personnalité, personnalité, il fait sensation de bien des façons. Pour les sauces, les nachos et tellement d'autres choses. Fait avec du végétar canadien, si succulent sous la dent. Cheese Quiz donne ta personnalité. Fait avec du vrai cheddar canadien. Donne la personnalité. Ah, voilà, et hey, on félicite Tania Baudin. Merci beaucoup. Qui anime Assemblage Hockey, les palmarès, c'est fou. On a Justine Pertib, Justine Renault elle-même. Merci. Maxine Perra. Merci beaucoup. On te retrouve à ta chronique tous les lundis matin. Justine, c'est le jeudi. Ouais, c'est jeudi, là. Manquez-le pas cette fois-ci, j'étais déçue la dernière fois, Colin. Tous les Et gens, moi, je vais être hein? le mardi, hein, dans 2 semaines. Hey, le tour d'affaires, c'est le souvenir de Las Vegas, trop, aussi. Trop technique. Sébastien Viertin, les mercredis à son âge requis. Merci. Oh que oui, demain matin. Genre demain. Oui, c'est ça. Oui, Stéphanie Paradis. Qu'il n'y a pas de chronique. Qu'il n'y a pas de chronique, mais on te retrouve éventuellement. J'ai entendu dire que c'est pas ta dernière fois à Assemblage Requis encore. Ben non! Les gens s'ennuient de toi. Ouais, d'après moi, ma fille aussi, elle s'ennuie, là. Ouais, tu l'amèneras, ça pourrait être le buzzer. Ah! C'est terrible comme idée. C'est... Quoi? Oh, mais elle va rire, là, elle va pas pleurer. Faut que tu y squeeze une fesse. Faut que j'y rentre le doigt dans Fontanelle. Chacun une partie différente du corps. Un coup de poing dans le ventre. Non. Non, mais gentiment. Un coup de paume. Juste la paume. Faut que tu fasses un pet sa bédaine. Ben oui, ça c'est ça. Cute. Ou lui faire faire le petit cochon est meilleur que Tania pour faire le cochon. Hey! Bravo! Tout le monde ensemble, un petit cochonnet? Wow! C'est terrible comme une. Je crois rêver. Donc voilà, c'est tout. Merci, Steph. Ben, ça me fait plaisir. Et tu repasseras, là? Ouais. Mettons dans le mois de décembre. Ou, ouais. Mettons, là. Ouais. Un cheese quiz spécial Noël. Oh! Ça serait original! Vole pas être Malgré que j'aurais pu le faire tout de suite, hein? Parce qu'on est passé le 1er novembre, c'est correct. Ben c'est ça, tu sais, l'Halloween est passé, les décos sont là, tu magasines n'importe quoi, puis là, t'as déjà la musique de Noël, puis t'es comme pas vraiment dans le mood, donc c'est un peu désagréable. On dit l'Halloween. L'Halloween. Des hot dogs. C'est ça. Marie-Christine a faim. Ah, c'est tout pour le Cheese Quiz et c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Caroline, que ce fut une belle émission, surtout qui a bien terminé. Donc, on remercie tout le monde qui a participé à l'émission. Tania Baudin, Justine Renault, Maxine Perra, Sébastien Gartin, Stéphanie Paradis. Il n'y avait pas d'autres chroniqueurs que ça aujourd'hui. C'était pas mal juste nous autres. Non, c'était pas mal juste nous autres. Toi, Tania Baudin, merci. Ben, merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, sur nos ondes, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, Rock de Neuron avec Jimmy Farley, on rappelle. On va être de retour, Tania et moi, pour les palmarès, c'est fou. 15h. Ça paraît que tu fais remplacer Stéphanie Baradis. Je sais, ça n'a pas d'allure. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur et à 21h, matière noire. Demain, l'émission, on va être mercredi. Et le mercredi, à l'émission, on a Sébastien Viertin qu'on a dit tantôt. On a aussi Frédéric Bernard avec Google Globe. C'est demain entre 6h30 et 9h30. On se quitte là-dessus. Bonne journée, comme 40 secondes pour se dire au revoir. C'est le temps du café. C'est le temps du café, oui. Quelque chose avec 6 mois, là. Un autre gag de 6 mois, là. Ou quelque chose de se pogner la main dans le... Dans le 6 mois. Dans le 6 mois. Hein? Ah! C'est pas un show qu'on présente aux Zenobs, ça aussi, 6 mois? Non, c'est Siméon, je pense. Je sais pas. Je sais pas. T'écoutes pas les pubs qui jouent? Rarement. Veux-tu t'en jouer? C'est moi qui ai tape. Elle va jouer dans quelques secondes. OK. Hey, bonne journée! Hey, bonne journée, là! Bye! Bye! Applaudissements de public! C'est fou! Si tu aimes les publicités, t'as des mains. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est fou! Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 89.1.